nos deux survivants viennent à peine de se retrouver, qu'ils reprennent déjà du service. En effet, suite à la prémonition d'une voyante prénommée La Femme, les voilà partis en direction de Lucatore, une grande ville de Purgari contrôlée par les anabaptistes. C'est d'ailleurs la ville natale de Mokoche. Toutefois, ils ne seront pas seuls pour ce voyage car deux personnes les accompagnent. Un mystérieux chroniqueur du nom de Flux et Jacquard, un jeune juge en quête de faits de haut rang qui lui permettrait de se faire bien voir de sa hiérarchie. Mais il faut croire que rien ne reste bien calme très longtemps autour d'eux, car à peine arrivé, un événement tragique vient troubler la paix de la ville. Altaïr, le leader de Lucatore et des anabaptistes, vient d'être retrouvé mort au petit matin. Coïncidence. Pour rappel, la dernière fois, vous aviez, après la promotion de Toric, rencontré le personnage de La Femme, qui vous avait indiqué qu'en Purgare, plus précisément à Lucatore, allaient se dérouler des événements similaires à ceux que vous aviez déjà vécu. En tout cas, c'est ce qu'elle vous avait annoncé à vous, Toric et Mokoche. Le commissaire Pry, elle, ne pouvant se joindre à l'opération, il vous a envoyé Jacquard, un apprenti juge avec vous. Et vous avez aussi Flux, le chroniqueur. Personnage relativement étrange, qui plus est. Vous vous êtes rendu jusqu'à Lucatore. Évidemment, on a fait ça un petit peu en ellipse, mais il faut imaginer un trajet qui a duré quasiment plus d'une semaine. Hein, ça... Le fait de traverser le pays a pris du temps. Vous arrivez en ville et souhaitez rejoindre l'hospice. Malheureusement, comme te l'a annoncé Mokoche, l'un des membres de l'hospice, celle-ci a été réquisitionnée. Vous allez donc être hébergé à la maison des émissaires. Évidemment, ça vous arrange, elle est beaucoup plus luxueuse que l'hospice. Pas de punaises de lit, pas de moisissures sur les murs. Mais un truc avec une chambre chacun, décoré, avec deux petites fenêtres, avec une vue sur la ville, et sur les grands murs. Donc en effet, tout bénef pour vous. Le lendemain matin, vous êtes réveillé, pour rappel, par la corne du chagrin, qui retentit dans la ville. Vous vous levez, et lorsque vous rendez dans la rue principale, vous entendez les gens en train de crier de panique. La phrase qui se répète le plus souvent est « Le Baptiste est mort, le Baptiste est mort !» Il vous suffit de vous interroger un minimum avec l'une de ces personnes pour découvrir qu'il s'agit évidemment d'Altaïr le Baptiste, qui était le dirigeant de Lucatore. Le dirigeant de Lucatore, qui était là d'ailleurs depuis des années, qui meurt pile poil un jour après votre arrivée. Coïncidence peut-être, mais dans tous les cas, pour l'instant, vous êtes là en plein milieu de la route qui mène à la ville, ce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la maison des émissaires est légèrement en dehors des murs, et vous voyez cette foule qui se dirige vers l'intérieur de la ville. Que faites-vous ? Ben perso, je m'y rends, moi. Enfin, je sais pas, je vois les autres, je dis est-ce que ce serait peut-être bien qu'on aille voir aussi. Ouais, il vaut mieux aussi pour se tenir au courant. Hein. Très bien, donc tu t'y rends, j'imagine que les autres vous le suivez, moi que vous souhaitiez vous séparer. Certains peuvent parfaitement rester vers la maison des émissaires. On suit, enfin je suis. Vous suivez. Vous traversez littéralement la grande rue en plein milieu de la ville. Je vous invite à avoir la carte en tout cas devant vous. Et vous vous rendez jusqu'au bassin, qui sont, c'est ça, vers le nord-est. Donc, adjacent à la rue principale, vous voyez cette foule qui est là, avec devant un homme à cheval, qui bloque le passage. et qui donne des ordres. Vous voyez des orgastiques, évidemment c'est un anabaptiste, qui l'entoure et qui essaye de contenir la foule qui s'approche. Vous entendez des cris, des pleurs, des gens qui demandent justice. Vous entendez quelques insultes qui profanent dans le tas. À mort, Roger Amethan, c'est eux qu'on fait ça, c'est sûr. Je pousse un peu Mokosh. Genre pour qu'ils se mettent un peu devant nous. Genre essaye d'avoir des infos. Pour l'instant, on est vraiment face à un mouvement de panique. C'est compliqué d'avoir une réelle discussion avec qui que ce soit. À un moment, vous voyez tout de même des ascètes anabaptistes qui arrivent depuis derrière l'homme à cheval qui bloque justement le passage avec une civière recouverte d'un drap. Et ils se dirigent comme ça en direction du cloître, évidemment escortés par une dizaine d'orgastiques. À ce moment-là, les autres orgastiques qui étaient pour l'instant sur place en rajoutent de plus belle et s'efforcent à essayer de disperser la foule. Écartez-vous, écartez-vous! En effet, il y a quand il commence à y avoir beaucoup trop de monde amassé sur une seule place. Et du coup, on s'écarte, hein. C'est si on est dans le chemin. Ouais. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. En effet, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous êtes juste là, passif, assisté à cette scène. Où vous voyez ces hommes qui escortent visiblement le corps de l'ancien dirigeant de la ville en direction du cloître. Petit à petit, la foule commence en effet à se disperser. Les gens rejoignent leur maison, vous voyez, toujours sous cette espèce de panique générale, vous entendez des insultes. C'est même possible que vous ayez par exemple une femme qui vous aborde et qui vous traite d'assassin simplement en voyant des étrangers parmi la foule, et puis qui s'en aille quelques instants plus tard. Bah du coup là on a un peu plus de liberté pour se déplacer En effet, avec le temps qui passe, il n'y a plus personne au niveau de la foule. L'endroit, en tout cas la zone du meurtre, est quand même gardée par certains gardes, ils la laissent fermée, mais la foule a commencé à se disperser. Bah du coup je me tourne vers Mokosh. Je sais pas où t'es. Ouais. Je dis écoute, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour nous de rentrer en contact avec eux, mais essaye de voir de ton côté si tu peux pas avoir quelques infos et si possible... qu'on puisse aider à peut-être comprendre ce qui s'est passé. S'ils veulent de notre aide. Oui, j'imagine. Est-ce que je connais des gens qui sont capables de ça, de mettre un peu en contact des gens un peu plus haut, juste comme ça, Monsieur le Dieu? Non, désolé, moi je connais pas cette info. Ah. Pas toi. En effet, tu sais qu'il y a ton mentor qui habite en ville. Ouais. Il t'avait rejoint en Borka, mais tous deux, vos villes d'origine, sont Lucatori. Donc tu pourrais éventuellement tenter de reprendre contact avec. En tout cas, de faire passer le mot à l'un des orgastiques ici présents, il remontera sans doute l'information. Je sais pas si tu veux que je te rappelle son nom. Il s'appelle Lico, non? Lito, presque. Lito? Lito. Ah, si tu veux, on peut l'appeler Lico. Non, mais c'est Lito, c'est bien aussi. Jared Lito. bah oui, je vais essayer d'aller voir avec un des orgastiques qu'il y a dans le coin. Ok, tu l'approches. Tu vois que ça a l'air d'être un orgastique nouvellement promu. Ses tatouages ont l'air relativement neufs. Ok. Hey, oui. Dis-moi l'ami. Oui. Tu saurais pas où se trouve Lito? Ouais, où est-ce que je pourrais rentrer en contact avec lui? Lito, ça me dit quelque chose. Tu dois le connaître quand même, c'est pas n'importe qui. Oui. Ah oui, bah je sais pas s'il est en ville actuellement, mais je. Pourquoi qui le demande? Une amie à lui, si tu sais pas du tout où est-ce qu'il est. Actuellement non, on est plus de 50 orgastiques. Bon écoute, si tu, Si tu me le trouves dans pas longtemps, je lui parlerai en bien de toi, ça pourra t'aider. Oh, ok, d'accord. Je ferai ça. Okay. Au plus vite, hein, parce que sinon je parlerai peut-être de toi, mais pas dans les bons sens. Oh, ok, parfait. Allez, bonne chance. Merci. Tu vois qu'il est là un peu mal à l'aise avec l'idée de se faire intimider juste après le meurtre de son chef. Et puis du coup, vous retournez en direction de la maison des émissaires, car l'ordre pour l'instant est donné que tout le monde doit rentrer chez soi. La ville va être bouclée. Vous rentrez et vous y retrouvez Dana, pour rappel, qui est, on va dire, plus ou moins votre servante, en tout cas votre hôte actuellement. Avec quelques gouttes de sueur sur le front. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? J'ai entendu les gens crier, ce qu'ils racontent. Ouais, effectivement. C'est horrible. Oh merde. Oh my god. Mais écoutez, il va vraiment y avoir un avant et un après votre arrivée. C'est... comme d'habitude. Attendez, c'est comment ça, genre de... On n'est pas lié à ça, hein. Tu veux dire Flux? Non, je demande, mon hospitalier, c'est vraiment ça le genre de truc que vous provoquez habituellement? Bah, je veux dire que... on a rien provoqué, on va aller discuter dans notre chambre. Mokosh parle d'accord avec moi. Là où on passe, souvent, il se passe quelque chose. Là où on passe, les gens prépassent. D'ailleurs, je vais te demander de faire un jet de intellect légende, Toric. Avec une difficulté de... 2. 9. Voir si tu connais notre propre légende. Tu sais que vous êtes connu maintenant, les gens vous fuient. Si vous voient arriver, c'est maintenant. Ouais, tout ce monde. Intellect légende. Oui. Alors attends. Ah, tu m'as dit que tant que les 1 sont pas supérieurs à leur réussite, ça compte pas. C'est ça, si t'as 3 réussites et. Non, si t'as 4 réussites et 3 1, tu t'en fous. Et si t'as. Oh, si j'ai 2 1 et 2 réussites. Sinon c'est bon, c'est réussi. Bon bah j'ai 2 réussites. Enfin 2 réussites dont 1 déclencheur. Ok. En effet, toi, tu sais par contre, en tout cas, ce que tu as remarqué en regardant la carte des environs, qu'il y avait une infirmerie, pas très loin. Quelques jours de la ville, l'infirmerie de Vivaco, tu peux la voir, elle est toute au centre, on va dire, à droite de la carte. En tout cas, en fait, je sais pas si vous revoyez la carte de cette zone de la Purgarée, vous avez donc, je vous rappelle, la grande route d'Eden. Sur laquelle se trouve Lucatore, si vous poursuivez, vous arrivez sur l'infirmerie de Vivaco. Où se trouve donc évidemment Despitalier. Ah, je vois tout Vivaco. Enfin, sur Lucatore, il y a marqué tout Vivaco hein, sur la route d'Eden. Ouais. Bah écoute, oui, ça pourrait être un bon endroit pour essayer de glaner des informations sur les lieux. Dans tous les cas, je vous ai préparé à manger si vous devez avoir faim. Hein. Malgré tout, surtout après le long voyage que vous avez fait hier. C'est gentil. C'est gentil, merci. Vous arrivez au niveau de la table et vous êtes surpris d'apercevoir sur cette dernière un panier de pommes. Mine de rien, la borka qui est quasiment uniquement constituée de désert de poussière. Entrez. Excusez-moi, c'est mon compagnon. Non, vous n'avez pas l'habitude justement d'y trouver de pommes. Pendant que justement vous entendez toquer à la porte. Ah bah. Dana se dirige vers cette dernière, ouvre, et vous apercevez l'anabaptiste de tout à l'heure, celui qui était à cheval. Il est accompagné de plusieurs orgastiques. Ça sent pas bon ça. Et s'invite à l'intérieur de la pièce. Bonjour. Bonjour. Salut. Salutations. Bonjour. Vous le voyez qui s'avance un petit peu dans la pièce. Je me présente, Lucio Bastardo, chef de la garde de la ville. J'ai entendu dire que de nouveaux arrivants avaient élu domicile ici. Oui, c'est plus les mêmes que c'est vous. Oui, exactement, nous sommes arrivés aujourd'hui. Hier. Hier. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez qu'il vous regarde avec une espèce d'air sévère, presque inquisiteur. Suspect, suspicieux. Je viens refaire un tour au pays et j'ai amené mes compagnons de voyage avec lesquels je voyage depuis que je suis arrivé en Borca. Où étiez-vous ce matin à l'aube? Vous voyez ces gars qui commencent à rentrer dans la pièce et qui ici, vous observent. Ici même, et d'ailleurs la demoiselle pourra en témoigner. En effet, Dana s'approche et fait « Oui, on a tous été réveillés par la corne de chagrin. » Je confirme, ils n'ont pas bougé de la nuit. Vous voyez qu'il fait les 100 pas dans la pièce. Il ramasse une pomme qui était posée sur la table. Évidemment, commence à la croquer. Bon. Je vous fais confiance. Je dois dire que d'avoir de nouveaux arrivants comme ça qui arrivent et juste avant un incident aussi tragique. Je comprends que vous pouviez être suspicieux, mais nous n'avons rien à voir avec tout ceci. J'espère bien. C'est compréhensible. Puis c'est pas n'importe quelle ville non plus. Il doit y avoir quelques visiteurs de temps en temps. Il y avait des chances qu'il y ait forcément un jour des visiteurs qui arrivent le jour d'un meurtre. Veuillez éviter de considérer cela comme un meurtre de bas étage. On parle quand même de mon père. Oh. Mes condoléances. Oh, bah c'est un meurtre de haut étage alors. Dans tous les cas, ne faites pas de vagues. Il est interdit d'utiliser vos armes en ville et... veuillez ne pas la quitter sans nous en avertir au préalable. Nous aurons des gardes postés sur la route. Excusez-moi, monsieur, je me présente. Je suis Torik et je suis, comme vous pouvez le constater, hospitalier. De ma fonction, je suis médecin de terrain. Et j'ai de hautes compétences en ce qui concerne la médecine, évidemment, et les autopsies. Je me permets de vous proposer mes services si jamais vous auriez besoin d'étudier le corps, si jamais vous vouliez trouver des indices quelconques. Je ne sais pas du tout comment cela s'est passé, mais si je peux me rendre utile, sachez que vous pouvez tout à fait me solliciter. Ça ira, laissez. Restez à votre place, hospitalier. On peut s'en charger nous seuls. Bon, allez. Il nous reste encore à faire le tour de la ville. Sur ce, vous le voyez qui se dirige vers la porte extérieure. Les hommes sortent et referment la porte derrière lui. Il faillit avoir un cadavre. Merde. J'en ai gâché. Vous vous asseyez finalement, en effet, et commencez à manger. Et si vous le souhaitez, à discuter pendant ce repas. Dana, elle, grignote légèrement, puis rentre dans sa chambre. Tant donné que vous êtes les hôtes, elle n'est pas forcément censée manger avec vous à table. Vous pouvez partir du principe qu'elle n'entend pas ce que vous dites. Okay. On parle quand même de la maison des émissaires. Je serais toujours troublé quand, à chaque fois que je vais Efflux manger. Ça me perturbe un petit peu. Moi, l'air je Efflux, fais toujours c'est ce que tu manges. Fais toujours... Ouais. Ah. Je fais toujours en sorte, en tout cas, d'être assis en face de Efflux et d'essayer de boire à chaque fois. À chaque fois, je te fixe. Je suis chacun de tes mouvements. Mais bah écoutez, mes amis, oui, ce meurtre est quand même assez, comment dirais-je, inattendu. Malgré le fait que nous soyons là. C'est ce qui arrive quand on devient trop laxiste avec les Jamethans et qu'on se concentre juste sur les Clannis. Vous n'avez aucune preuve que ce soit les Jamethans, mais je suis d'accord, laissez les Clannis tranquille. Mais... Par contre, oui, ce serait bien de pouvoir avoir des informations sur ce qui s'est passé. Car peut-être cet événement va peut-être précipiter nos plans. Ça peut être son fils. Oui, d'ailleurs, Dieu. Ouais. Mokosh, fais-moi aussi un test d'intelligence. Ah, d'accord. T'es pas assez intelligent pour parler, tais-toi. Non, d'intelligence. D'intelligence et... Légende. Okay. Avec un bonus de 1, étant donné que c'est avec 2-1. Parce qu'en fait, son père est arrivé au pouvoir de la même façon en tuant son propre père. Du coup, en fait, c'est une histoire de génération en génération. Alors, j'ai 2 réussites, dont 1 critique. Très bien. Merde, en fait, depuis le début, c'est tu sais que, en fait, Lucio Bastardome, malgré la manière dont il s'est décrit, n'est pas vraiment le fils d'Altaïr, mais était son fils adoptif. Encore plus, hein, César, Brutus, tout ça. Mais ça, c'est des connaissances que vous n'avez pas. Et dans ce genre de fief, on va dire, est-ce que l'héritage du pote du grand patron se fait en mode noble ou en mode militaire, c'est-à-dire qu'ils sont élus dans l'armée? Alors, tu sais que sans doute la personne qui va prendre le pouvoir est soit son frère, Ennio Benesato, soit sa femme, Neva, l'émissaire de fer. Épelle. Donc du coup, on n'est pas sur un mode question sadique, quoi. Non, en effet, donc... et a priori, d'ailleurs, ce sera plutôt sa femme, étant donné qu'elle est anabaptiste, là où son frère, lui, est un claniste. Car c'est un petit peu la grande histoire d'Altaïr, c'est un claniste qui s'est converti au sein de l'ordre anabaptiste et qui, après avoir triomphé des Jamethans, est devenu l'un de leurs plus grands, l'un de leurs plus éminents représentants, et s'est installé à Lucatore. Là où d'ailleurs est fabriquée la plupart, enfin en tout cas les meilleures huiles élyséennes d'Europe. Les meilleures. Faites-moi confiance, je m'y connais. Donc, tous les cas, vous allez passer une petite journée à l'intérieur de la maison des émissaires. Sauf si jamais vous souhaitez faire quelque chose en particulier, auquel cas vous pouvez m'en parler, y a pas de souci. Vous pouvez pas, en tout cas, difficilement sortir, car pour l'instant, les rues sont plus ou moins bouclées. J'aimerais juste demander aux compagnons, du coup, ce qu'ils comptent faire. Parce que on est là pour une raison mystérieuse, parce qu'on est là pour un certain mal. Il y a un truc qui ressemble à un certain mal, on est d'accord. Du coup, est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous voulez vous en mêler? Est-ce qu'on reste loin de ça? Enfin voilà, quoi, genre. Parlez. Bah, du coup, je vais vous suivre, je vous escorte. Moi, je pense honnêtement qu'il faudrait quand même qu'on arrive à avoir des infos sur ce qui s'est passé. Car bizarrement, j'ai l'intuition que c'est lié à ce qu'on doit faire, quelque part. Indirectement. La femme parlait de grands malheurs, etc., comme vous avez vécu et... empêché, si je me trompe. C'était dans cet ordre-là, de type assassinat, politique. Alors, il y a eu un assassinat de toute une communauté, mais c'était pas le même genre. Donc, si ça prouve, on n'a rien à faire ici par rapport à cet assassinat. Écoutez, c'est possible. Très bien, on prouve votre histoire de prophétie. Moi, ce que je sais, c'est que ça peut être utile de... En tout cas, c'est un grand malheur. Notre cher ami, de l'autre côté, c'est malheur. J'entends notre ami, le juge, qui parle, malgré le fait que son soit au maximum. Très bas. Pour moi, il est au maximum, mais je ne l'entends quand même pas. Alors, moi, je l'ai entendu alors qu'il était à 21%. Mais j'avoue que son son est très très faible. Bah, si il venait à côté de monsieur nous, le juge, parler du bout de la salle. Exactement. Venez vous asseoir à table. c'est mieux pour parler quand même. Il est à 30 mètres. Non mais c'est vrai que bon, bah, ouais. C'est lui qui parle à travers la porte. C'est ainsi. que disiez-vous, monsieur le juge? Je disais. Alors, ça peut être bien de nous faire de telles informations, mais quand on vient fouiner et mettre tout. Bah, c'est pour ça que je demande, parce que je suis d'accord pour le fait qu'on n'a pas fouiné là où on n'a pas fouiné, même si il n'y a jamais rien de mal en fait. Ça vaut le coup. Oui, il faut qu'en fait, je veux juste qu'on soit sûr qu'on parte sur la bonne piste et qu'on finisse pas par se trouver dans le mauvais drap juste par intuition. Vous comprenez, Anna Baptiste ? Oui, je comprends. Mais de toute manière, je pense qu'on vient d'avoir la preuve qu'on allait y être lié d'une manière ou une autre, que après Jamethan, on est les coupables premiers, coupables principaux. Sans vous vexer, hein, mais je pense vraiment que dans toute la liste de vos coupables, vu qu'il n'y en a aucun qui tient la route, ça serait bien que vous revoyiez un peu vos méthodes d'investigation quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a le Pilux? Ah mais vous savez, moi je suis un peu appelé un justicier, monsieur. Non. Parce que si une enquête est amenée ici, ça revient de... c'est mon sang. Bah dans ce cas-là, allez investiguer dessus. Moi, je parlais disons des. Disons que ici, nous ne sommes pas en position de pouvoir faire quoi que ce soit. Nous sommes des étrangers dans un pays étranger, si je puis dire. Donc, nous n'avons aucune autorité. Je sais que ici se trouve un petit quartier avec un chroniqueur influent. Je peux aller voir si elle a de quoi nous éclairer. Pour commencer. Ben oui, et sinon par la suite, je sais que pour ma part, il y a une base hospitalière pas très loin d'ici. On pourra, si on en a besoin, pour faire un tour pour glaner des informations. Pratique. Vous écoulez ainsi votre journée dans la maison des émissaires, étant donné que c'est un jour de deuil. Qui d'ailleurs va sans doute se poursuivre sur la semaine entière, c'est plus ou moins les traditions en Amberciste. Lorsqu'une personne de cette stature malheureusement vient à décéder. Je suis tout. Il n'empêche que le lendemain, la nouvelle du meurtre s'est déjà répandue dans tous les environs. En regardant par la fenêtre de la maison des émissaires, vous voyez des flots et des flots d'anabaptistes, d'orgastiques, de ravis, de pèlerins, qui débarquent des villages alentours. Pour se rendre et prier à Lucatori. La ville est sans dessus-dessous. Vous avez vraiment une foule immense qui s'est répandue dans les villes. Les auberges sont pleines à craquer. Les gens sont obligés d'ouvrir leurs portes pour loger les autres afin qu'ils ne dorment pas dehors, même si certains n'ont pas le choix que de dormir sur la paille dans les écuries ou à même le sol dans certaines rues. C'est vraiment... quasiment la population totale de la ville a doublé. Vous êtes là le matin, tranquillement, avec vos chambres à part. Vous vous réveillez, vous vous réunissez à nouveau autour du petit déjeuner. Dana a fait pour vous une nouvelle fois le marché. Et ça y est, vous pouvez enfin, si vous le souhaitez, sortir. Même si, pour rappel, vous n'avez pas le droit de quitter la ville. Bien sûr. Sans en avoir, en tout cas, demandé la permission auprès des orgastiques. Enfin, des fureurs. Bah, écoutez, moi je vous proposerais bien, vu que tant que nous n'avons pas de nouvelles de votre ami, enfin de ton ami Mokosh, nous pouvons toujours aller dans le quartier où se trouve le chroniqueur. Ça sera toujours ça. Vous avez également Dana qui, lorsqu'elle vous sert à manger le matin, vous parle un petit peu de ce qu'elle a entendu. Vous voyez qu'elle est toujours autant bouleversée, elle a l'air d'être très habituée à sa vie, on va dire, un petit peu tranquille qu'elle était censée avoir l'habitude d'avoir avant. Oui, vous savez, on raconte là déjà au marché, j'entendais parler les gens, comme quoi Altaïr aurait déjà été enterré. Alors, surtout, en tout cas, elle s'adresse à toi, Moka, je ne t'habite pas, mais si vous voulez vous rendre sur sa tombe, je sais que seuls les anabaptistes ont le droit de s'y rendre et déposer une fleur ou une bougie pour la célébration. J'irai en faire un tour. Merci pour l'information. De rien. Vous voyez qu'elle se lave et puis qu'elle repart un peu à ses occupations. Vous êtes libre donc d'agir comme vous le souhaitez. Écoutez, que pensez-vous alors de cette proposition? Oui, bah on peut toujours aller faire un tour. Enfin, voir le... L'autre. Parfaitement, partons. Monsieur le juge. Ok. Eh bien, ma foi, allons-y alors. Je te laisse nous diriger, Mokosh. Très bien. Vous descendez les quelques marches de la maison des émissaires et vous rentrez à nouveau en ville en suivant les pavés. Où souhaitez-vous vous rendre donc exactement, vers la tombe? Non. Vers le chroniqueur. Très bien. Vous marchez J'ai quelques un temps. Contact à faire parler. Et Non, c'est un supérieur. Bah, vers où exactement te rends-tu? Enfin. Flux. Parce que toi, en tout cas, Mokosh, je ne sais pas où tu es du chroniqueur. Tu n'en as pas entendu parler. Merci de Mais je me rends à l'endroit exact où mes connaissances du jet de la dernière fois, bon, que je savais qui était par là-bas. Je vais voir si c'était pas en information privée par hasard. Alors, toi, tu sais qu'il y a des chroniqueurs dans la ville d'à côté. Maintenant, le quartier exact où pourrait se trouver un chroniqueur à Lucatore. Pas plus de raison que ça de savoir où ça pourrait être. Normalement, l'information, si je me trompe pas, c'est que je savais qu'il y avait dans le coin un monsieur très très haut placé. C'est ce que tu aurais entendu dire, oui. Mais tu sais, tu étais au courant de sa position oui, exacte. Un agent chroniqueur de haut rang se trouve en ville. Donc, il y est. Après, si je connais pas sa position, on peut demander à un passant, hein, toujours. Je suis un chroniqueur, ça court pas les rues, quoi. Il n'y en a pas tous les cas partout. Quoi. Non. Ah, donc clairement, vous en avez vu aucun pour l'instant. Alors déjà, si je cours dans la rue, on pourra dire que les chroniqueurs, ça court dans les rues, donc. Et Dana, elle serait pas où c'est? Ouais, on peut lui demander directement, genre avant de partir. Je sais pas. Au pire des cas, est-ce qu'il y aurait pas une sorte de mairie où je sais pas où il y aura un fils des habitants ou quelque chose? Il y a le cloître. Tu demandes à Dana et non, désolé, j'ai absolument jamais entendu parler d'un quelconque chroniqueur en ville. Vous devez confondre sans doute avec Bermago. Mais plusieurs jours à pied d'ici. Là, par contre, là-bas, vous pouvez trouver des chroniqueurs. Ouais, mais et si t'es sûr que t'as pas vu un... J'ai jamais... Un espèce d'homme-oiseau mécanique qui ont des noms bizarres. Non, ça aurait complètement dénoté. Ici, on est plus... Du bon côté. Je vois pas ce que irait faire un chroniqueur en ville. Ou est-ce qu'on pourrait trouver une personne qui sait où il est? Parce que c'est bien en ville que tu sais. Tu sais qu'il y en a un ici. Flux. Normalement, oui. Bah, Mokosh, tu pourrais oui, Mokosh. Pas des gens qui pourraient nous orienter. Après... Okay. En soi, les chroniqueurs, on n'est pas forcément genre à traîner dans la rue. Vous comprenez, enfin. Oui, non, je me doute bien, mais je veux dire, bon, oui. Après, il faut. Mais quand du même, coup, il est possible qu'il soit à un endroit, soit. Qui sécurise un endroit de connaissance, parce que je sais que les anabaptistes ne sont pas forcément très ouverts à la connaissance, mais du coup soit il y est pour des raisons de sauvegarde et de recherche, soit il est dans les hautes sphères de la ville, donc du coup anabaptiste, je pense que je peux compter sur vous pour essayer de savoir quelle est la bonne piste. Alors Mokosh. Ah ben, vous savez, les anabaptistes et le savoir. C'est vrai que c'est une confession. Je veux pas rappeler des éléments douloureux, mais vous avez pas été très douloureux. Après, honnêtement, je pense que avec les événements qui se sont passés, je suis pas très sûr que si on allait au cloître, on pourrait être reçu. Parce que j'imagine qu'en ce moment, ça doit être un petit peu la... C'est pour ça que je compte sur notre ami Anabaptiste pour pouvoir faire le minimum de recherche. Après, s'il y a moyen de pouvoir contacter le chroniqueur de Oran qui se trouve dans cette ville, on peut passer à une autre piste en attendant. Oui. Bah, sinon, je pense que il faudrait retrouver Lido. Je pense qu'il pourra débloquer la situation. C'est juste qu'il faut le trouver. Après, si vous voulez, je peux toujours demander une fois que j'irai sur le marché, mais... Non, n'hybridez pas trop ma recherche, s'il vous plaît. Mais dans ce cas-là, en attendant d'avoir plus d'informations, oui, on peut toujours aller voir au cimetière. Et qui sait, sur la route, on verra peut-être quelque chose. On sait où il est, le cimetière, cette fois-ci. Il n'a pas changé de place. Vous vous dirigez donc en direction du cimetière. En effet, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre la foule entière qui marche à travers la ville. On dirait presque une horde de zombies comme ça qui se dirigerait vers un point fixe. Tout le monde va dans un sens, quasiment personne dans l'autre. En plein milieu de la place centrale, au niveau de la place du marché, comme vous pouvez la voir sur la plan, elle est assez, assez visible. Vous voyez un homme qui se balade et qui fait tinter sa cloche. C'est un anabaptiste lui aussi. Et qui crie très fort en boucle... La ville est en deuil, les ordres d'Abacus sont clairs. Personne ne peut pénétrer dans le cloître ni prier dans la grande chapelle. Personne ne peut quitter Lucatore sans l'autorisation de la garde de la ville. Aucune engueulance avec le gouverneur ni avec l'émissaire. Les châteaux d'eau sont interdits d'accès. Les ascètes distribueront l'eau jusqu'à ce que les bassins soient nettoyés et consacrés conformément au rituel. Seules les transactions les plus nécessaires sont autorisées. Pas de sermons dans les rues. Et il se balade comme ça sur le marché en faisant tinter sa cloche et en prévenant tout le monde. C'est un crieur public. Ne marche pas, rime binaire. Du coup, on sait déjà que pour l'instant, on pourra pas sortir de la ville. Donc, pour ma part... Maintenant, en effet, étant donné que Mokosh est une orgastique, vous savez qu'elle... Enfin, c'est vrai que... peut-être moins que les autres, et ça serait pas aberrant qu'un orgastique veuille se rendre au cloître, même si ça ne fait pas partie de la garde de la ville. Oui, mais par rapport à ce que je disais d'aller voir les hospitaliers, on pourrait pas, à vivre à Gros. Il faut demander l'autorisation express à la garde de la ville. D'accord. Mais comme on a le droit de voir personne, c'est très sympa cet état d'urgence. Quelques instants plus tard, vous arrivez au niveau du cimetière. Le cimetière, lui, justement, est... à l'extérieur de la ville, pour le coup. Vous pouvez également le trouver sur le plan. Il se trouve au nord. On va dire au nord de la... Si vous prenez la pointe est de la ville, vous allez un petit peu au nord, vous le voyez. Évidemment, le chemin entier est gardé par différents orgastiques qui surveillent les moindres faits et gestes de qui que ce soit qui se trouve proche du cimetière. Seul Mokosh est autorisé à rentrer à l'intérieur. Tu vois, en échange d'une... Enfin, même sans rien, on te passe soit une fleur, soit une bougie. Au choix, et puis tu peux faire la queue ainsi pendant une petite heure pour aller déposer cette dernière sur la tombe du Baptiste. Ah, une heure. Bon, c'est quand même pour une heure d'attente. L'atmosphère, en tout cas l'ambiance de Lucatore est devenue très lourde. Elle oscille entre tristesse et chagrin. Et presque agacement, vous pouvez pas vous empêcher d'entendre des gens chuchoter à dire vous avez entendu dire, ça pourrait être le frère de l'anabaptiste, il est claniste, il tente de prendre le pouvoir à Lucatore, ou même ce sont les Djamétan, c'est sûr c'est les Djamétan, ou encore regardez là-bas le chroniqueur, à tous les coups ils sont là, ils se pavanent devant nous, ainsi de suite, vous les voyez comme ça en train de théoriser sur qui aurait pu commettre cet acte horrible. Et vous entendez d'ailleurs de plus en plus des informations claires sur la manière dont serait mort le Baptiste. Il aura été égorgé alors qu'il était en train d'effectuer sa prière matinale. En tout cas, c'est la rumeur qui court. Bah, moi, je dirais que ça serait pas un Gemetan, sur la sécurité de la bâtisse ou une sécurité de merde. Hein. Ah bah, bravo. Pendant sa prière. Aucun respect. Mais en vrai, c'est assez intéressant en termes de sécurité, parce que je pense que c'est pas un pèlerin qui prie dehors en plein milieu de la rue, tu vois. En effet, tu notes que cet élément a l'air assez étrange, il faudrait peaufiner ça. Car, comme tu le dis, Altaïr, c'est pas un pèlerin qui prie au milieu de la rue. C'est difficilement imaginable qu'il puisse se faire comme ça, égorger, surtout au niveau des bassins. Il se trouvait même pas à l'intérieur du cloître. Vous voyez également qu'il y a des groupes de recherche qui s'organisent pour le soir, pour aller faire le tour de la ville et essayer de trouver des indices. Ils ont l'air relativement illuminés et sont plus dans l'objectif de trouver les indices qui colleraient à leur thèse personnelle. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à eux. C'est pas obligatoire, on parle d'une dizaine de paysans avec des fourches et des torches à la main. Qu'en pensez-vous? À défaut d'avoir quelque chose à faire, on pourrait toujours avoir des infos là-dessus, hein. Et puis, Et puis sait-on jamais, il y a peut-être un d'entre eux qui aurait les bons éléments au bon moment. Exactement, c'est possible. On sait jamais. Très bien. Vous patientez un petit peu la petite journée, enfin vous vaquez à vos différentes vos occupations. Même si elles sont relativement moindres, puisque toutes les dépenses, tous les services de la ville sont vraiment réduits à leur strict minimum. Il n'y a quasiment plus personne dans les champs alentour, et dans tous les cas, vous pouvez difficilement en sortir. Le soir même, en tout cas, d'ailleurs, qui souhaite se joindre à ces groupes d'enquête? Donc Toric. Oui. Le chroniqueur, donc Flux. Le juge, bon, j'imagine Mokosh, ou Mokosh, tu t'en fous? Oui, bah si tout le monde y va, j'y vais. Ok. Vous joignez comme ça à un groupe de recherche de la ville. Vous voyez en effet qu'il s'agit d'espèces d'illuminés qui sont là en train de théoriser entre racisme et, comment dire, première impression un peu vaseuse. C'est pas moi qui vais les contredire. Malgré tout... Après avoir fait le tour de la ville, vous êtes relativement sûr d'une chose, en tout cas, c'est que il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'y avoir de complot apparent ou de secte se baladant habillé de toge la nuit en faisant le tour. Vous croisez seulement d'autres groupes de recherche, à chaque fois constitués d'une dizaine de pegnos. Vous rencontrez quand même quelques gars relativement sympas qui vous racontent, qui vous parlent de leur théorie. Celles qui reviennent le plus souvent sont les Géamétan ou les clans, même surtout les clans. La principale étant Ennio Bene Sato, les clanistes veulent reprendre la ville. Ils ont mal digéré le fait qu'elle appartienne aux Anabaptistes, puisqu'à la base, lorsque les Anabaptistes, un petit peu comme partout, ils sont allés, lorsqu'ils débarquent, ils virent un petit peu tout ce qu'il y a, et ils reprennent la place. Après une soirée à chercher sans rien trouver, vous rendez à nouveau dans la maison des émissaires. Le lendemain matin, donc le lendemain du troisième jour, en ville, vous êtes réveillé par le bruit de la foule, encore une fois, qui rentre et vague à l'entrée de la ville, étant donné que c'est plus facile d'en rentrer que d'en sortir. Et ils s'amoncellent un peu comme ça au niveau des portes, en attendant que les gardes les ouvrent. Vous vous retrouvez à nouveau sur cette table dans la maison des émissaires, garnie de pommes et de fruits frais. Des fruits que, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, vous n'avez pas l'habitude de manger en Borka, où les régimes sont bien plus précaires. J'aime beaucoup les fruits. Ouais, du coup pour l'instant on n'est pas très avancé. On n'est pas avancé et on n'est même pas mêlé à l'histoire en soi. À part d'être des potentiels suspects, mais à ce qu'on a entendu hier soir. Toujours pas de nouvelles de ton... Justement, Dana s'approche de toi, Mokosh, au petit matin, et te dit que... Enfin, il s'approche de toi. Oui, bonjour, un orgastique a toqué à la porte très tôt ce matin pour vous déposer ça. Et elle te tend une enveloppe que tu ouvres, qui contient une lettre de Lito, qu'il te dit qu'il ne sera pas disponible aujourd'hui, mais que dès demain, si tu le souhaites, il te donne rendez-vous au Bélier ensanglanté, l'auberge où vous vous étiez déjà rendu en arrivant en ville, qui se trouve au centre. Donc dès le lendemain soir, donc dès demain soir, vous pouvez, si vous souhaitez, l'y retrouver. En attendant, vous avez 2 jours pour faire ce que vous voulez. Alors, question. La scène de crime, sur la... est-ce que maintenant, est-ce qu'elle est accessible ou pas du tout? Alors, les châteaux d'eau, nous, en effet, l'accès aux châteaux d'eau a été interdit. Et par ordre officiel d'Abacus... qui est le conseiller, enfin, qui est, alors c'est pas la 7, c'est du coup je crois le Ravi. Alors je me permets, je vais afficher juste ce terme. Ravi Jacob. Ah non, un Élyséen, pardon. J'ai dit n'importe quoi. Donc qui est l'Élyséen principal de la ville et celui qui s'occupe des huiles élyséennes. Ce sont en fait l'équivalent des fureurs, mais pour les ascètes, qui est la branche, on va dire, médicinale des orgastiques. Enfin, des anabaptistes. Et sinon... On a quelque chose à faire dans ces... en effet, pour l'instant, on est d'accord, avant l'entretien avec certains Lito, vous n'avez pas la moindre piste, vous savez même pas pourquoi est-ce que vous êtes là, au final. Donc, on peut parfaitement imaginer que vous passez simplement ces 2 jours à vous balader en ville ou à rester à la maison des... Moi, j'avais quand même une question. Oui. Notamment pour Anna-Baptiste, parce que c'est quand même censé être chez elle. S'ils n'ont pas un endroit historique, j'ai envie de dire, enfin... Avec peut-être de la connaissance, toujours dans partant du principe que s'il y a un chroniqueur d'Oran, c'est qu'il y a une raison et qu'il est soit mêlé à la haute politique, mais pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, soit qu'il est lié à de la connaissance ou à de la technologie qu'il doit protéger et analyser. Et du coup, est-ce qu'il y a un tel endroit qui pourrait contenir une chose aussi précieuse dans cette ville? Non, il paraît qu'on n'aime pas ça. En effet, à part peut-être justement le cloître, où se trouve la bibliothèque, enfin une espèce de bibliothèque relativement rudimentaire, parce que les livres, il n'y a pas tant de monde que ça qui sait lire finalement. Et sans doute le secret des huiles élyséennes, vu que personne, en tout cas à part les élyséens eux-mêmes, ne connaissent réellement la recette, il n'y a pas grand-chose qui pourrait intéresser un chroniqueur en ville. Donc en gros, s'il y a un endroit où doit traîner, ce serait plus dans le cloître, quoi. Si on devait le trouver, ce serait plus là. Je pense, ouais. Mais on peut pas y aller. Eh bah tant pis. En tout cas, vous n'avez pas le droit. Mokosh, vous ne savez pas, mais... Moi, je suis pour essayer. Pardon, Anna-Baptiste. C'est vrai. Mokosh, tu pourrais peut-être essayer d'aller voir le cloître et de te renseigner directement. Pendant ce temps-là, nous, on fera une belote. Ouais, mais... Il y a plein de gens responsables là-bas. Après, ils discutent de trucs sérieux. Tu nous rendras compte. Donc c'est un argument. Tu nous rendras compte. Oh. Ouais, bah, je vais y aller alors. Ok, vous l'accompagnez? Non, si ça semble pas une bonne idée. La porte, J'entends jusqu'au cloître, hein, pas à l'intérieur. Ouais, mais même ce genre, si on arrive devant le cloître, tu vois, genre, ils vont sûrement plus faire un lien avec le groupe d'inconnus. Qui sont dans la liste des suspects tout en c'est bas. Pas faux, ouais. Alors que si elle y va toute seule, ça sera ah bah c'est une anabaptiste. Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans ce cas-là pendant ce temps-là? Je pense que la belote est vraiment une bonne option. Hein. Ouais, la belote. Parce que après, qu'est-ce qui serait digne d'intérêt dans la ville En fait, le problème c'est que toi, hospitalier, tu ne peux pas accéder au tien. Il n'y a pas de juge ici. Et il y a un chroniqueur, mais il est perdu dans la nature. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est sortir et continuer à entendre des gens dire que c'est nous les potentiels assassins. Et pour ça, j'ai le lieu parfait, le marché. Si, c'est aujourd'hui. Et pourquoi s'y rendre, en fait? Enfin, genre, on a déjà fait les tests hier soir. Je pense que ça va commencer à devenir rodo dans des endroits, faire des théories pas très... C'est toi qui viens juste de dire qu'on devait... Non, j'allais dire que, justement, genre, qu'est-ce qui nous restait en option à part ça? Et c'était pas une option très favorable, en fait, donc... Peut-être autant se reposer pour être vigilant pour les prochains jours, puisqu'apparemment, il y a quand même une grosse menace, un truc super dangereux, hein, selon la femme. Ouais. Si tu veux. Sinon, après, le problème, c'est qu'on connaît pas trop la ville, donc on va être encore plus perdu là-dedans sans Mokosh. Donc c'est vrai que ce père n'est pas grave, sans but. Oui, après, non, d'accord. S'il y avait des points d'intérêt vraiment en ville, à la limite. Quoi, après, sait-on jamais, on peut tomber sur un événement aléatoire qui peut être intéressant. Tout est jouable. Ça me paraît très bien, comme il dit. Alors, ça, c'est question au grand chef. C'est quoi the Cold Stories, numéro 2? Cold Stories dans ta carte là, de Lucatori. Alors, le numéro 2, tu m'as dit? Ouais, c'est quoi ça? L'échange. Alors attends, l'échange. Une espèce de petit micro-marché à l'extérieur de la ville, cette fois-ci, donc pas le grand marché qui se trouve à l'intérieur. Où simplement les gens viennent et troquent leurs objets. Donc il n'y a pas de lettres de change ni de dinars qui circulent. C'est simplement une histoire de troc entre anabaptistes qui n'ont pas les moyens de se payer les grandes étales au milieu de la ville. Pas vraiment cet endroit, je trouve qu'ils sont... Ils ont pas vraiment compris l'intérêt économique des lettres de change, mais bon. En tous les cas, toi, Mokosh, tu te rends en direction du cloître. Alors, juste avant que Mokosh s'en aille, je poserai la question à Mokosh. À l'occasion, si t'as l'occasion de pouvoir le placer, demande une autorisation... Si possible, pour pouvoir sortir de la ville et aller voir le camp hospitalier. Si tu peux le placer, si tu sens que c'est pas trop abusé de demander. Voilà. Ok. De toute façon, elle va se recaler à la porte, en vrai. non. Traverse la route principale de la ville, et pour prendre la route de Nanclois, t'es obligé justement de prendre l'autre sortie, la sortie est. Entame simplement le début de la route d'Eden pour tout de suite te rediriger vers le nord et te rendre au niveau du cloître. Tu vois qu'il est là en train de culminer en haut de sa colline. Donc d'ailleurs, qui n'a jamais été pris, le cloître après qui a été construit. Enfin, après l'arrivée des Anabaptistes, la ville n'a jamais été prise lors d'aucune guerre. Tu remontes comme ça la colline et arrives finalement au niveau de la porte d'entrée. Gardé par d'autres anabaptistes. Tu les vois qui te contrôlent même pas et tu peux simplement devoir entrer sans aucun problème. Parfait. Eh bien, je rentre, du coup. Ok. Tu te trouves au niveau de la cour principale. Tu vois que tu as quelques bâtiments à ta droite et à ta gauche, notamment l'armurerie. Un accès vers la chapelle, même si elle est fermée actuellement. Et puis, à l'intérieur même du cloître, en fait, il y a différents bâtiments uniquement réservés aux membres anabaptistes les plus... Enfin, ceux qui sont vraiment partis soit de la garde de la ville, soit les ascètes ou les élyséens. Puisque le cloître, d'ailleurs, n'est pas très loin du jardin des élyséens. Donc voilà, tu vois un réflectoire, une armurerie, un bastion, enfin tout ce qui peut le contenir, et des anabaptistes qui sont là à vaquer à leurs différentes occupations. Tu te trouves comme ça un petit peu perdu au milieu de la foule, mais tu peux parfaitement aller t'adresser à l'un d'entre eux si tu le souhaites. J'avoue que je sais pas trop à qui il faudrait que j'aille m'adresser pour le coup. C'est vrai que toutes les affaires importantes, normalement, il faut demander une audience. Mais actuellement, a priori, elles sont interdites. Pour le moment, je vais essayer de traîner dans le coin pour voir s'il y a des gens qui discutent de choses un peu plus intéressantes que les simples villageois du coin. Ok, très bien. Je vais te demander un jet de psychérusse ou de charisme considération. Pour un petit peu comme ça, te mêler à la foule et prêter l'oreille, éventuellement délier les langues en engageant quelques rapides conversations. Tous deux avec une difficulté de 2. C'est quoi considération? C'est en anglais, c'est conduite. Charisme, ah oui, considération, c'est... Expression. C'est conducte. Conduite. Okay. Bon, on va faire charisme. Eh bien, 3 réussites, dont un déclencheur. Un déclencheur? Très bien. Oui. Pour commencer, en effet, tu tombes sur Pago, un vétéran de guerre, et tu commences un petit peu à discuter avec lui. Et puis, tu le vois, lui, il est un petit peu nostalgique du vieux temps. Oh, Neva et Altaïr, vous savez, ils étaient tellement heureux ensemble. J'étais sur le champ de bataille adriatique quand ils ont allumé leur immense brasier de noces. C'était le bon vieux temps. Ah, ça oui. Et puis, en t'approchant plus des gardes de la ville... Il tombe sur des informations un peu plus intéressantes. Notamment le fait que peu de temps, tu tombes justement sur ces gardes qui discutent du fait que malheureusement, peu de temps avant le meurtre d'Altaïr, tous les gardes de la ville ont été réunis au niveau des murs. Sans aucune raison apparente. Et ce qui a sans doute malheureusement laissé le temps à l'assassin de leur passer sous le nez. Et malheureusement, tu vois leur... culpabilisé du fait qu'ils aient indirectement en tout cas laissé passer l'assassin d'Altaïr, puisqu'ils n'ont pour l'instant aucune piste sérieuse. Et personne ne sait d'où venait l'ordre. Bah là dans leur discussion non, mais tu peux parfaitement leur poser la question si tu le souhaites. Oui, je vais le faire. Très bien. Donc d'où l'ordre? Oui, l'ordre. Ah oui. Eh bien, le chef de la garde. Tout naturellement. Chef de la garde, c'est son fils, non? Oui, c'est ça. Je vois. Je vais essayer de me mettre dans la discussion un peu de si j'ai besoin d'un service. À qui est-ce que je pourrais m'adresser? Quelqu'un qui aurait un minimum de pouvoir, je dirais. Pas un simple clampin, comme vous. Ah, oui, bien sûr, vous pouvez vous adresser à n'importe quel fureur. Ils sont juste là-bas, et tu vois qu'ils te pointent du doigt des gars en haut, d'espèces d'escalier qui permettent de mener... on le voit un petit peu sur le plan, sur un, on va dire sur un premier étage du cloître. Les bras croisés en train de regarder les orgastiques se mettre à l'œuvre en bas. Puisque ouais. Ils ont l'air plus ou moins de se préparer à la guerre. Hein. Un petit peu, bon, on est pas en train de vraiment de rassembler une armée, mais je veux dire, la rumeur court quand même qu'ils pourraient se faire attaquer. Ce serait une manière, on va dire, de prévenir une future attaque. Ouf, j'ai pas envie d'aller discuter avec eux, ça a l'air d'être des cons. Je vais attendre mon fureur. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, vous autres, vous êtes là en train de jouer à la pelote. Vous voyez, il y a Dana qui vous a donné un jeu de cartes. D'ailleurs, faites-moi chacun un jet d'intelligence. Intelligence. Oh là là. Intelligence quoi? Ouais, je suis en train de réfléchir. Non, on va dire psychérusse. Fais fonctionner ton intelligence. Ouais, de psychérusse. du coup, rune, c'est... Intelligence, psychérusse, ouais. Ouais, ça. Et donc, ruse... Quoi? De quoi? Attention, là, c'est trop dur, là. Cunning. Donc, du coup, c'est... ouais, psyché cunning. Pardon. Ah, donc ça a changé. Ouais, bah, oui, psyché cunning. Je vais pas avoir grand-chose à raconter. Mais... Ouais, l'intelligence, finalement, c'est pas trop ça pour le fait de jouer. C'est... Le chroniqueur vous bat à plate couture, suivi voilà. Par le juge. Le hospitalier, lui, de son côté, se fait plumer. En fait, lui, il a compris que les règles du jeu, c'était de laver les cartes. Malheureusement, Dana, qui vous a donné chemin, le paquet, ne vous autorisait pas à jouer de l'argent. Pour rappel, la ville est en période de deuil. Ce serait mal placé de... Ah non, mais pas de soucis. Et puis, de toute façon, je n'ai pas un manque d'argent, donc je l'aurais refusé par principe. Et non, et toutefois, donc tout de même, un peu en fin d'après-midi, Mokoche vous rejoint. Et j'imagine vous fait part de ce qu'elle a pu apprendre lors de sa journée passée au cloître. Exactement. Elle n'a pas parlé à son fureur, du coup ? Non, il est pas là, pour rappel, lui il arrive le lendemain. Ah oui, oui, d'accord, oui, oui, c'est vrai. C'est lui qui arrive. Ouais, il vous donne rendez-vous d'ailleurs le soir au pilier en 5 jours. Et du coup, Mokoche, tu as pu demander pour avoir l'autorisation de sortir de la ville ? Je crois que tu bugs, monsieur. Ouais. Ou alors c'était moi. Tu as pu demander pour sortir de la ville ou pas ? A priori, il faut demander à des fureurs, alors je me serais dit qu'il fallait mieux attendre le mien. D'accord. Ça semble logique. Si voilà, et sinon, comme je viens de vous le dire par la narration de Dieu, nous, a priori... plus en plus d'indices semblent indiquer que le fils adoptif est lié d'une manière ou d'une autre. Étonnant. Bien que je ne pense pas que ce soit à son intérêt à lui, je pense qu'il sert les intérêts de quelqu'un d'autre. De qui tu penses ? Je sais pas. D'accord. C'est peut-être parce que j'ai passé un peu trop de temps avec des apocalyptiques et que du coup j'ai une imagination tordue, mais j'imaginerais bien le fils bosser avec la belle-mère ou la mère adoptive et qu'en fait finalement ils sont ensemble et ils voulaient buter le type pour prendre sa place. Tu sais, je suis pas confirme tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu as beaucoup passé de temps avec les apocalyptiques. Je confirme. Et c'est quoi ces histoires d'apocalyptique là, tout ça ? Ah ? Rien, une connaissance et tout. Une connaissance. Oui, le chroniqueur avait pris de l'espace. seconde personnalité issue d'un monde. Désolé, j'ai été possédé quelques secondes. Du coup, je pense qu'on va devoir tout simplement attendre demain, hein. Et on verra déjà. Je pense qu'on faudra qu'on attende demain. On verra avec Lito. Oui, oui. Ouais. En effet, demain, c'est pour l'instant, les débuts sont assez compliqués. Vous avez quasiment rien à vous mettre sous la dent. Il n'empêche qu'en effet, au début du quatrième jour, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Vous vous réveillez à nouveau autour d'un petit déjeuner servi au rez-de-chaussée de la table de la maison des émissaires. Cette fois-ci, ce sont des oranges qui vous sont servies. Très juteuses, très bonnes, puisqu'elles sont cultivées par les ascètes anabaptistes dans les jardins du cloître. J'adore les oranges. Vous passez, j'imagine, le début de la journée tranquillement dans la maison des émissaires. Vous en profitez pour faire vos toilettes. Oui, alors, et surtout moi. Vous remarquerez d'ailleurs... le fait étrange que le chroniqueur va faire sa toilette avec un foulard. En tout cas, et qu'il prend, qu'il pose sur son épaule avant de rentrer dans la pièce. C'est peu commun, les gens utilisent une serviette ou un bavoir. Enfin, super. On a un bavoir. On a deux fous de la propreté maintenant. Écoutez. Non. Moi, je peux comprendre tout ce qui est propre nettoyage. Je n'ai pas d'a priori. Contrairement à certains qui ils sont pas potes avec le nettoyage. Qu'est-ce que t'en signes ? Vous vous préparez, et j'imagine qu'au niveau du début de l'après-midi, en tout cas, vous vous dirigez vers son bélier ensanglanté, l'auberge principale de la ville. Oui. Alors que vous vous dirigez en direction du bélier ensanglanté, en prenant encore une fois la route principale de la ville, hein, celle vraiment qui la traverse, vous tombez sur ce qui semble être un ferrailleur en train de se hâter, visiblement avec difficulté, à réparer une chaudière en plein milieu de la route. Et tu vois qu'il a l'air avec cet aspect un petit peu désespéré. Et lorsqu'il t'aperçoit, toi, chroniqueur, te fait un appel du regard. Mais je vais voir. Parce que de souvenir, les chroniqueurs et ferrailleurs ont de bonnes relations. En effet, ils s'entendent relativement bien. Ok, bah effectivement, du coup, je vais voir. Ils dépendent directement des chroniqueurs. Oui, c'est normal. En même temps, tout le monde dépend des chroniqueurs, mais ça, ils le savent pas tous. Hé, hey, vous là-bas, oui, oh, merci. Tu vois, au moment où t'arrives vers lui, bonjour, je me présente. Et d'ailleurs, il te serre la main. Custus. Vous voyez, j'ai une échoppe pas très loin d'ici. Et j'ai un problème. Comment dire ? Bah, assez évident, j'imagine. Puisque je suis complètement incapable de. Cette chaudière que vous voyez juste là est complètement percée de part en part. Et je suis actuellement incapable de la réparer à moi seul. Est-ce que vous voudriez bien, si cela ne vous dérange pas, de passer, j'imagine, pas plus d'un quart d'heure avec moi ici Tu as dit que tu tenais quoi déjà ? Une échoppe. Hmm. Tu sauras faire un bon prix pour un futur client alors ? Bien évidemment, je dispose également, si vous le souhaitez, d'une radio que je peux mettre à titre exceptionnel à votre disposition. Eh ben, j'en serais ravi. Je suis d'accord pour vous donner un coup de main, ferrailleur. Eh bien, parfait. Dans ce cas-là, je vais te demander... Un jet. Et flux. D'aller te faire foutre. Quoi ? Alors. Te demander crafting. Crafting. Ne pas te casser. J'allais dire, en effet, de crafting ou d'engineering. Soit intelligence engineering, soit... Par rapport à ce que je m'y connais le plus. Je vais prendre engineering parce que entre 3 et okay. 5 dés, je prends les 5. Par contre, avec une difficulté de 3, vu qu'un ferrailleur à lui seul n'y arrive pas, c'est relativement compliqué. Ouais. J'ai fait un bon jet pour la belote. On aura peut-être le droit en second, on y reviendra plus tard. Ah, j'ai eu un ascenseur émotionnel ouf. Alors, du coup, j'ai 3 réussites, dont un déclencheur. Mais mes deux autres dés, c'était des 1. Du coup, en fait, la première chose que j'ai vu, c'est 2-1. Ah. Et j'ai fait, oh mon dieu, je vais mourir. Non, c'est bon. Du coup, j'ai fait une petite suite. J'ai 4, 5, 6. Voilà, sachez-le. Donc, t'as fait combien de réussites ? 3 réussites, dont un déclencheur. Très bien. Tu vois, vous passez là quelques instants, et puis... combien de déclencheurs ? Un seul, pour le coup. Pas énormément, okay. Mais c'est déjà bien. En effet, après 10 minutes seulement, la chaudière est alors réparée. J'ai toujours fait ça. Eh bien, bah, écoutez, merci beaucoup, je vous remercie. J'ai pas de lettre de change sur moi, mais si vous voulez éventuellement m'aider à la porter jusqu'à mon échoppe, je pourrais vous aide. Dommager. Vous serez très gentil avec l'utilisation de cette radio, n'est-ce pas ? Mais oui, d'accord, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Parfait. Bon, bah, je l'aide du coup à la transporter jusqu'à l'échoppe. Vous voyez qu'à deux, déjà, c'est quand même relativement compliqué de la transporter jusqu'à chez lui. Peut-être m'aider, là, les deux autres cons, là, qui m'en regardent. Quoi, tu peux y aller, si tu veux. Moi, avec mon dilacérateur, je peux pas. Ok. Ouais, je vais m'en occuper. Excuse-moi. Attends, je suis comme ça. Je porte à une main. Ouais, non, vas-y. Je laisse passer pour cette fois, Spitalier. Ouais, je vais aller aider. Vous portez le truc jusqu'à son échoppe. Donc la forge de Custus qui se trouve un petit peu à l'extérieur de la ville, en fait, au nord de la maison des émissaires. Elle se trouve à même pas 5 minutes à pied, finalement. Oh non, c'est un petit quart d'heure quand même. Mais pas plus. Oh, on va avoir du retard. T'inquiète, t'as rien raté à part une quête annexe. C'était pas une quête annexe, maintenant on a une radio. Oui, c'est vrai. Et t'as changé pas ma phrase, parce que je l'aurais dit avec ma voix divine. Vous souhaitez l'utiliser dès maintenant ou pas ? Vous savez, je suis le seul ferrailleur de la ville, alors ça m'arrive régulièrement de vaguer à droite à gauche pour aller réparer des trucs par-ci par-là, mais la plupart de la journée, je bouge pas d'ici si vous souhaitez me rendre visite. Et puis, qui sait, peut-être que nous pourrions faire affaire. Y a pas beaucoup d'artefacts dans la région, mais on n'est jamais à l'abri que je puisse tomber sur quelque chose qui pourrait vous intéresser. Déjà, pourquoi pas, je suis toujours intéressé par des artefacts. Ensuite, compagnon, que pensez-vous d'utiliser la radio maintenant ou préférez attendre pour appeler qui Ouais, est-ce qu'il y a une raison? Effectivement, on n'a pas de... Non, non, mais... Je vais appeler un ami. Non, mais sait-on jamais, si vous avez essayé de contacter un... par exemple, les hospitaliers qui sont ici pour essayer de demander un droit de passage, etc., ça aurait pu être le bon moment. Après, je pense que les hospitaliers, c'est pas eux qui nous donneront l'autorisation de sortir de la ville. Et je pense que ça va être compliqué même pour eux de venir en ville. En fait. Non, mais je comprends, c'était qu'une proposition. Mais, ouais, du coup, on va garder l'utilisation de la radio pour une prochaine fois. Par contre, je veux bien venir voir vos artefacts. Ok, très bien. Bon, après, je vois que pour l'instant, j'ai pas grand-chose à part de la ferraille, mais après, vous ouvrez la porte et tu vois que cette dernière donne sur vraiment l'échoppe typique, mais là, une semi-forge de ferrailleur. J'entends par là des planches sur lesquelles sont entreposés des morceaux de ferraille de différentes tailles, certains qui sont accrochés au mur, et ça un peu partout. Avec du matériel un peu électronique, bon, très basique, tu vois, mais qui permet, de manière assez relative, de bricoler un petit peu, en tout cas. Pas mal d'outillages aussi. Tu vois que tu peux, en tout cas, ici, si tu le souhaites, à moindre mesure, te fournir en tout ce qu'il te faut en termes de câbles électriques et outillages. En câble En ferraille, en tant que, on va dire, matière première. Par contre, en effet, il ne possède pas d'artefacts. Ce n'est pas... C'est ça. C'est les anabaptistes, c'est vraiment pas leur truc d'aller chercher, farfouiller la terre à la recherche des artefacts. Il faut avouer que les artefacts se trouvent quasiment tous en Borka. De l'ouest ou de l'est, mais quasiment tous en Borka. Je comprends. Du coup, il y a quand même quelques trucs intéressants pour moi, ce que je comprends quand même. Ouais, si jamais tu veux choper de la ferraille. Après, c'est à toi de me dire ce que tu souhaites en faire. Éventuellement, même à toi de me dire ce que tu souhaites chercher. J'entends juste par là qu'il n'y a pas d'éléments vraiment... Bien sûr, genre, je ne vais pas pouvoir sortir un énorme bazooka défoncé pour pouvoir le reconstruire, je suis d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, j'ai entendu parler de quelques fils électriques, et mes mentors, hein, à l'époque où j'étais près du serveur, utiliser un système de sécurité très intéressant, tu sais, à base d'illumination, genre s'ils sont touchés à l'armure pendant une certaine période, genre typiquement au moment où je dors, hein, et je me demande s'il n'y aurait pas de quoi, alors peut-être pas la version la plus efficace, mais de quoi tricoter un petit truc qui pourrait servir dans cet effet-là, avec les petites la ferraille qui traîne, quoi, et les fils électriques du coup. Ok, très bien. Eh bien, je vais te demander de me faire un G. Alors attends. Je vais regarder quelle compétence serait la plus adéquate. C'est pas bon bouquin. Du coup, on est d'accord, hein, même si je peux prendre une version, tu sais, moins évoluée que celle qu'il y a dans le livre, je prends aussi. C'est juste pour la sympathie de cette utilisation, que j'aime beaucoup. Comme ça, personne ne me touchera la nuit. Qui voudrait faire ça? Non, mais sait-on jamais. Bah, déjà, imagine, on dort à pleine étoile, il y a des bandits qui passent. Va me faire un jet d'intellect technologie. Oui, la technologie qui a été traduite par engineering. Ça fait encore 5D, je suis content. Allez. Oh, j'aime ça. 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Oh. Oh oui. En effet, parmi un tas de ferrailles qui étaient entreposées là sans réelle raison, en farfouillant l'intérieur, ce qui semblait être vraiment, tu sais, son tas de ferrailles dans lequel il se servait pour rafistoler des trucs ici et là, tu découvres ce qui semble être de micro-capteurs de mouvement dans une espèce de vieille version qui date d'avant-guerre mais qui sont en plutôt bon état, ce qui est vraiment assez impressionnant. Tu vois que le ferrailleur, aussi bon que puisse-t-il être, n'a sans doute pas la connaissance de ce qui se trouve là, sinon ça serait pas rangé ici. Mais ça te permettrait vraiment de fabriquer ce que tu souhaites. Ensuite, de manière assez simple, avec un câblage électrique, tu pourrais tenter de créer une impulsion sur la partie extérieure de ton armure qui fait que si quelqu'un venait à la toucher, elle s'activerait. Mais tu peux désormais même éventuellement le faire avec plus de distance. Tu n'es pas obligé d'attendre que la personne arrive au contact pour réveiller ton armure. Ok. Même si ça, du coup, je pense que je l'attirerai qu'à des moments vraiment précis, parce que si à chaque fois qu'un mec passe à côté de moi, je m'allume. Bon, quoique c'est vrai que c'est stylé, mais... C'est comme les lampes. Bah du coup, je me retourne. Je veux ça et des câbles, ferrailleur. Très bien, servez-vous. Écoutez, je vous fais confiance. Je prends. Mais du coup, je suppose qu'il va me faire payer un prix ou... Ah non, non, si tu l'as aidé. Ah non, d'accord, c'est... C'est vraiment, servez-vous. Et toi, t'es pas là en train de prendre les trois quarts de son stock. Je prends tout. Il faut avouer que ce custus, il a ce côté un petit peu de ferrailleur brun aux cheveux courts, encore dans le jeune âge, un peu peut-être idéaliste et éventuellement même... comment dire... Bon, il naïf. Passe quand même la trentaine, ouais. C'est... Non, mais même... comment dire, presque trop gentil, tu vois. Il tente de voir un chroniqueur, alors il lui laisse un petit peu toucher à tout. Mais écoute, en partant, je mets ma main sur l'épaule. Merci beaucoup, Ferrier. Je penserai à toi dès que j'aurai besoin de quoi que ce soit. La radio se trouve dans l'arrière-salle, alors. Parfait, merci beaucoup. Pas très souvent. Au moins, ça servira. On se revoit. Et quand je dis ça, je m'allume, tu vois. On se revoit. Vous sortez, notamment le chroniqueur avec classe. Et vous pouvez enfin vous rendre, si vous le souhaitez, au Bélier ensanglanté. Ouais, parce qu'on n'a pas du tout pris de retard. Ouais. Vous traversez. Bah, vous étiez parti en début d'après-midi, donc ça va. Ouais, j'avoue que quand même, les mecs. Il faut pas de retard. Non. Mais on a 4 heures d'avance. C'est en retard. Non. Bon, vous vous rendez au niveau de l'auberge. Déjà, le premier truc qui vous choque, en rentrant à l'intérieur, une fois arrivé devant, c'est que visiblement elle n'a pas été aérée depuis des jours. Vous sentez cet air qui empeste la sueur et le distillate. Vous arrivez au niveau du bar, bicornu, difficile à surveiller. Vous voyez qu'il est très grand et qu'il y a quand même beaucoup de monde, surtout dans l'auberge. Il y a beaucoup de monde qui est passé. Les tables sont vraiment pleines à craquer. C'est pas rare de voir deux orgastiques différents sur le même fauteuil. Je vous l'avais déjà un petit peu décrit, mais sur les murs sont entreposés des trophées de guerre des anabaptistes qu'ils exposent fièrement. Et vous avez Remco, le barman que vous aviez déjà vu, qui s'approche de vous. C'est d'ailleurs là que vous remarquez pour la première fois que l'une de ses mains a visiblement été coupée et amputée. Il a l'habitude de la garder sous le bar, mais là, lorsque vous arrivez en posant ses bras et en vous accueillant d'un signe de la tête, vous voyez sa blessure relativement apparente. Il font semble vieille, ça chez vous, anabaptiste. Ça arrive. Non, vous voyez du coup ce gars avec cette espèce de tête carrée de vétéran de la guerre qui vous regarde. Bon alors les gars, quoi de neuf? Mis à part, vous savez quoi, rien de spécial. Je vous sers un truc. Ouais, on vient prendre de quoi patienter, on attend quelqu'un. Ah, Lito. Oui. Bah, il a réservé l'arrière-salle, alors si vous voulez, vous pouvez y aller. Il y aura moins de monde qu'ici, et je dois avouer que ça va être difficile de vous trouver une table. Et là, il pointe l'autre bout de l'auberge qui est en effet rempli, qui est sans dessus-dessous. Et évidemment... Pas besoin de le préciser, vous entendez des mecs qui commencent à gueuler leur théorie et au loin, tout tourne autour du meurtre d'Altaïr. Ouais. De toute façon, c'est déjà métal. Bon. Allons voir Lito. Et du coup, Si j'ai bien compris, c'est un peu ton informateur ou j'ai pas très bien compris? Le. C'est Lito. Oui, je parle à ma coche. Oui. Oui, j'imagine que la situation, c'est un informateur, c'est quelqu'un qui peut nous permettre d'avoir peut-être quelques avantages ici. Du genre le droit de pouvoir s'écarter un peu de la ville s'il y a besoin. Est-ce que c'est ton supérieur ou ton... Enfin, c'est ça en fait, j'ai pas trop compris. Mais en effet, c'était... Je peux parler de lire ou... Oui, c'est un mon supérieur et formateur, on peut dire ça d'une certaine manière. Ok. Mentor. Formateur. Ok, c'est ton papa. J'ai découvert ton sombre secret. Ah. Vous vous rendez au niveau de l'arrière-salle Et quelques instants plus tard, vous avez... enfin, quelques instants, on va dire une petite demi-heure après, Lito débarque, accompagné de différents anabaptistes. Lito, vous le voyez, c'est un fureur. Ça se reconnaît déjà relativement à sa posture et au fait qu'il se trouve au centre des orgastiques qui l'accompagnent. Il arbore quasiment autant de cicatrices que de piercings et de tatouages avec des indications qui ont l'air relativement différentes, sans doute des témoignages de ses batailles passées, en tout cas de ses faits d'armes. Il a ce côté de vieil anabaptiste, le genre de mec à qui on cherche pas trop les poux, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait pas du tricot le dimanche. C'est ça. Il a le visage très marqué, autant par l'âge que par la guerre. Lorsqu'il te voit, Mokosh, il t'adresse simplement un regard. Tu vois que c'est sa manière de dire bonjour et qu'il est content de te revoir, mais il est pas du genre à te prendre dans ses bras ou à pleurer devant ses hommes. Il s'assoit. Il se retourne vers ses gars et il leur fait « Laissez-nous. » Les mecs sont... Vous êtes désormais seuls dans cette petite arrière-salle, mais bon, au moins vous êtes tranquilles. Vous quatre et Lito. On doit y aller ou on peut rester? Vous, vous pouvez rester, bien sûr. C'était à ces hommes qui parlaient. Oui. Alors il a tellement d'autorité qu'il fait... qu'il fait douter le juge. qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu deviens? Bonne question, je fais de mon mieux. Comme toujours. Bon, qu'est-ce qui t'amène en ville? J'imagine que t'es pas venu me faire la bise. Si. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Je suis venu... C'est une histoire assez particulière, mais a priori, je suis une prophétie qui m'a plus ou moins indiqué qu'il allait avoir un problème dans le coin, et justement, comme tu le sais, ouais, il y a un problème dans le coin. Hmm. Ça nous ferait une théorie supplémentaire à ajouter. Parce que je sais pas si t'as entendu ce que la populace aime mettre en avant, mais bon, le coup des clanistes, moi j'y crois pas. Ils sont trop éparpillés. Alors même si le loup de Bermago a marié sa fille au frère d'Altaïr, c'est pas leur genre, c'est... Ouais, c'est beaucoup plus sournois. On est d'accord. Quel genre de prophétie tu voudrais dire que le démiurge se serait installé parmi nous? Quelque chose du même acabit, oui. On a été... C'est pas une vision de ma part, comme ça, on a été prévenu par une femme en Borka. Mm-hmm. Donc bon... On peut ne pas avoir spécialement confiance en ce qu'elle a dit, mais... Ouais, je vois. Prouver qu'on vient d'arriver après qu'on nous ait dit qu'il allait avoir des problèmes. Et qu'on s'est arrivé. Alors, soit ce qu'elle vous dit est la vérité, soit elle est liée de près ou de loin à ce qui s'est passé ici. C'est possible aussi. Mais si c'est le cas... elle aurait énormément d'informations à la fois sur moi et sur mon ami Spitalier ici présent. Hmm. Vu qu'elle a apporté certaines preuves par rapport au fait qu'elle avait des pouvoirs particuliers. Tout okay. Fait. C'est dans ce cas-là, j'imagine que vous cherchez des trucs un peu plus étranges qu'un simple complot politique. Oui, il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus okay. Gros derrière, même si c'est quand même... Très important ce qui vient de se passer. Attendez-moi deux secondes. Tu le vois qui se relève, il arrive vers la porte de l'arrière-salle, l'ouvre et se met à crier dans toute la salle. Fernex! Quelques instants plus tard. Alors, attendez. Vous voyez un vieil homme avec les cheveux attachés en arrière et une barbe blanche, assez, relativement petit, accompagné de son chien, qui rentre dans la pièce. Raconte-leur ce dont t'as entendu parler ces derniers temps. Le mec s'assoit sur l'une des chaises qui était restée libre. Enchanté. Hospitalier, juge et chroniqueur. Et anabaptiste. Je m'appelle Fernex, je suis le chasseur. Enfin, je suis chasseur. Et ce que j'imagine que Lito veuille que je vous parle est lié au fait qu'il y a eu quelques disparitions ces derniers temps dans le marais. Je sais pas, vous avez dû le croiser en arrivant, mais il est plus ou moins adjacent à la route qui mène jusqu'ici. C'est généralement là qu'on va chasser le bon gibier, ou alors on se rend dans la forêt, ça dépend. Il n'empêche que bah, y a des gens qui disparaissent. En tout cas, plus qu'avant. Alors, j'en ai bien parlé, causé ici et là, auprès des anabaptistes, mais je dois avouer, à part Lito, avec qui j'ai une affinité particulière, il n'y a pas grand monde qui en tient compte, de mon avis. Après tout, plus qu'un claniste. En même temps, vous seriez un peu plus... Un peu plus, voilà, quoi. N'écoutez pas ces balivernes, vous êtes très bien claniste. Vous insinuez que je suis un sauvage ? Écoutez votre ami. Ouais. Dites-moi... Un bagou, quand même. Parce que moi, je peux vous dire, moi, je suis une justicienne. Et claniste, on en a pas mal. Et quand il s'intègre bien, je dis pas, mais... Oui. Vous comprenez que... Il y a quand même certains avis qui peuvent... Vous savez combien de temps je chasse pour les garde-manger de cette ville ? Croyez-moi qu'en termes d'intégration, je suis un exemple. Mais bon, je vous pardonne, vous avez l'air d'être jeune. Mais soit, nous ne nous égarons pas. Oui. Vous dites qu'il y a des disparitions dans le marais, mais quel genre de personnes disparaissent ? Parce que je pense que si on n'ébruite pas tout ça, c'est que ce sont des gens sans importance, quelque part. En effet, des paysans qui vont se balader par-ci, par-là. Je crois qu'il y en a eu deux dans le marais et un ou deux dans la forêt aussi. J'avoue que j'ai un peu perdu le compte, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, je suis vigilant et puis j'ai mon chien avec moi, mais... Et... Mais à part des histoires de disparition, il n'y a rien ? Il n'y a pas de personne qui aurait vu quelque chose, une silhouette, des formes ? Non, pas spécialement. Qu'en est-il de l'asepsis ? Pardon ? Je disais, qu'en est-il de l'asepsis dans cette région ? Vous savez, les apocalyptiques ont bien tenté à par plusieurs reprises de s'implanter ici, mais toujours sans aucune sans aucun résultat. Ouais, c'est pas demain la veille qu'on trouverait des apocalyptiques dans la ville. Alors l'asepsie, on n'en entend pas parler. L'influence des anabaptistes est puissante, très grande. Exactement. Si je veux même pas dire omniprésente. Et c'est tant mieux. Exactement. Et cette alliance avec les clanistes est de bon poil, même si j'ai peur que tout ça vire à la guerre civile. Vous savez, chacun y va de son avis. Mais du coup, si je peux me permettre, Lito, est-ce que vous auriez... des informations un peu plus précises sur ce qui s'est passé avec Altaïr ? Bien, oui, de ce que j'ai entendu, il y a quelques faits étranges, mais je dois avouer que tout ceci doit rester entre nous. Évidemment. Il paraîtrait que la garde a été appelée peu de temps avant le meurtre, ce qui malheureusement a laissé une chance à l'assassin de passer, leur passer devant, sous le nez même, sans qu'ils s'en rendent compte. Déjà, c'est ça, c'est troublant. Plutôt... Et puis, il y a cette histoire comme quoi Altaïr voulait quitter la ville pour quelques jours. Son cheval était équipé de quoi nourrir une personne pour au moins... 48 heures. Et qu'est-ce il a été tué quelques heures à peine avant de son départ. Qu'est-ce qu'il aurait à... Je sais pas si c'est lié, mais c'était pas dans ses habitudes. Qu'est-ce qui serait à 48 heures ou de marche ou de cheval À 48 heures d'ici, vous avez l'avant-poste de Moreno. Si vous venez de la Borca, vous avez dû passer devant. Ouais. À part des Helvétiques, je sais pas trop ce que vous pouvez y trouver. On a également tous les villages alentours. Le plus près est Cavalese. Ensuite, vous avez Feltre. Et les autres sont un peu plus difficiles d'accès. Et enfin, vous avez l'infirmerie de Vivaco à 3 jours de marche. Comment dire, en termes de protocole de mission, d'habitude, les navires sont plutôt du genre à embarquer la nourriture pour l'aller et le retour, ou plutôt. J'imagine que pour l'aller. Reprendre. Surtout quelqu'un comme Altaïr, même si c'était pas trop dans son habitude de partir seul, généralement il était toujours accompagné au moins d'une dizaine d'hommes. Je dirais que. Il avait sans doute prévu de se ravitailler une fois sur place pour repartir, pour au moins avoir de la nourriture fraîche. Je sais pas combien de temps il comptait passer là où il souhaitait se rendre, mais... Et ouais, je me posais, qu'il y aurait intérêt comme ça à diviser la ville en deux? Eh bien, en effet, l'une des thèses les plus avancées, même si j'ai du mal à y croire, serait celle des clanistes, notamment le loup de Bermago, qui a déjà marié sa fille au frère d'Altaïr, donc les Lombardies, qui pourraient ainsi tenter de disperser la ville et de renforcer leur influence dans cette dernière. On parle aussi de son frère qui aurait pu l'assassiner par jalousie, du fait qu'Altaïr est plus mis en avant que sa femme, que son propre frère. Mais pour avoir le jeu à causer à notre ethno, ça me semble pas être le genre des Mene Sato. Ouais, du coup... Ce serait plutôt intéressant quand on pourra y aller de faire un tour au camp des hospitaliers. Pendant que vous parlez, vous commencez à entendre du vacarme, une espèce de brouhaha dans l'auberge qui se fait de plus en plus présent au sein même de votre discussion. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez Lito qui commence à se lever et qui se dirige vers la porte. Je veux bien le suivre si ça te dérange pas. Ok, ouais, c'est les mécanismes que j'ai, moi je suis. Vous en trouvez cette dernière, et vous voyez plusieurs anabaptistes fortement alcoolisés près du comptoir qui sont là en train de menacer de leurs armes ce qui semble être deux clanistes qui sont au milieu des espèces de piquiers qui ont pas plus de 25 ans. Et vous commencez à entendre des insultes promulguées de type saleté de Lombardie à tous les coups, c'est vous qui hébergez des Jamethan. Vous voyez les anabaptistes qui sont clairement en surnombre et qui sont en train comme ça d'encercler deux pauvres gars un peu apeurés mais qui tentent quand même de se défendre avec les mots. Est-ce que vous souhaitez d'ailleurs réagir ou rester à distance pour éviter de vous prendre... Je veux voir comment il réagit... Lito. Lito, ouais. Genre, est-ce qu'il a l'air genre... En effet, lorsque Lito ouvre la porte, tu vois que les gens lui jettent quand même un certain regard. Il a une espèce de présence. Maintenant, il se retrouve seul face à... Enfin, seul. Ça leur viendrait même pas à l'esprit d'engager le combat avec lui, je veux dire. Mais par sa présence, il est seul face à trois mecs relativement alcoolisé. quatre mecs pardon, relativement alcoolisés qui tentent de s'en prendre à deux clanistes. Moi je me mets à côté de lui, ça ferait deux. Moi j'avance, parce que c'est des clanistes et je pense vraiment qu'il faut respecter les clanistes. Ok, très bien. Faites-moi chacun un jet d'intimidation. Sachant que du coup j'ai mon bonus de plus 1 dé, parce que j'aimais m'illuminer et j'ai mon bonus de première impression. Je reste en arrière, je reviens dans la salle perso. Ok. Toi le juge, tu préfères rester à l'arrière. T'es plus dans l'analyse. Bon, moi aussi je me mets avec Lito parce que bah, c'est mon patron, alors je le suis. Okay. Fais-moi un jet d'intimidation aussi. C'est quoi ça? C'est où intimidation? Ne bouge pas. Alors intimidation, je crois, c'est dans psyché. C'est quoi? Psyché, c'est domination? Exactement, domination. Moi j'ai le potentiel peur, je sais pas si ça aide à quelque chose. Ah, alors peur de souvenir. Attends, faut que je retrouve le. Bon, flamme d'aller chercher le texte exact. En effet, jette-moi un dé supplémentaire grâce à ton potentiel. C'est pas son effet principal, mais là je considère que c'est. Que c'est dans le thème. Et vous me dites si l'un d'entre vous a fait 3 ou plus. Moi. Ok. Parfait. Moi. Oh. En même temps, j'avais 6 dés, hein. Ça me faisait une chance sur 2. Ah, échec critique de la part d'hospitalier. Eh, si tu gâches ma putain de réussite, je m'illumine là. Vous commencez à vous approcher. Vous voyez que l'un d'eux commence à. Pris d'un peu de. On a fait de... d'un peu. Enfin, de. Comment dire, de. D'opposition avec presque comme une impasse mexicaine où on a ces gars qui se regardent les yeux dans les yeux. L'un d'entre eux tout à coup saisit un verre et le jette au visage du spitalier. Thoric, fais-moi un jet de mobilité ou de réaction. Donc soit tu me fais agilité mobilité, soit tu me fais psyché réaction. Thoric, c'est même pas le verre qui va le gêner, il va faire des microbes. Il était sale le verre. Psyché réaction, moi je vote, c'est bon, okay, je prends d'accord. Ça. Allez, avec difficulté de 4. De combien? Un verre, c'est chaud à éviter. 4. Oh. Ah, c'est un verre d'eau, hein. T'as fait un échec critique. Je me prends dans la gueule alors. Ok. Il va repartir en dépression parce qu'il y a un liquide qui l'a touché. Oh, bon, t'as du bol sur un des 6, j'ai fait 1. Tu perds qu'un seul point de vie. Je sais pas si on le voit bien. Hop. Ah, il s'est fait un verre, je vais le faire. Ah, attends, je vais tout de suite modifier ta fiche. Tu es mort. Donc, le mec te jette le verre au visage. Vous voyez le verre qui éclate sur le visage de Thoric. Au niveau de sa cicatrice, le truc qui. Quelques instants plus tard, il a le visage qui se met à saigner. Le chroniqueur s'avance et commence à allumer ses lumières dans la pièce. Et vous voyez cette espèce de, d'émanation électrique qui commence à arriver au niveau de ses doigts, comme s'il s'apprêtait à jeter. Un éclair dans la pièce. Juste derrière, vous avez les deux anabaptistes qui commencent à se rapprocher. Vous voyez les mecs qui sentent qu'ils ont un peu trop bu, qui commencent à reculer un peu, encore un peu, qui voient le hospitalier relever la tête, qui sentent qu'ils ont fait une connerie, et sauf si quelqu'un souhaite faire autre chose avant, quand léger vers la fin de. Je vais foncer vers eux et je vais juste les pousser. Ok, d'accord. Soit tu te diriges, tu commences à les pousser en mode. Tu leur fais comprendre que. C'est limite le coup de pied au cul, quoi. Oui, carrément. T'entends l'un d'entre eux lâcher un. Désolé, je visais pas, Oh merde. Et ils partent en courant. Est-ce que pour la classe des gens qui m'entourent, parce que là je m'en fous, ouais. Ils sont déjà partis, je peux m'amuser à faire mon effet tonnerre avec mes vocodeurs. Parce que tu sais, tu m'as dit que je pouvais faire comme si je faisais tomber le temps. Mais juste pour le lol de quand ils partent, faire un petit. Très bien. Juste en me retourner, faire. Je vais pas te demander de jet de dés. Vous voyez le chroniqueur qui commence à, en plus des éclairs qui sortent de ses doigts, à commencer à faire des bruits d'orage derrière lui, comme s'il était sur le point de déchaîner le tonnerre à l'intérieur de l'auberge. Vous voyez Remco l'aubergiste qui est là, qui le regarde, qui est pas très très rassuré. Et puis bon, finalement, même si ça a l'air de cette espèce de vétéran amer, avait pas trop l'air chaud à l'idée qu'il y ait un règlement de compte en plein milieu de son auberge, alors bon... Finalement, il acquiescera de loin l'air encore légèrement apeuré. Vous voyez les deux autres gars qui se trouvaient au milieu, qui sont un peu tombés au sol, dans le chahut, qui se relèvent, notamment vers toi, Flux, et qui te remercient. Oh putain, mais... Désolé les gars, on n'aurait jamais dû venir ici, c'était du suicide, mais... Oh, on a bien fait raison. Passer. Vivez votre vie, ne vous laissez pas oppresser par... Ouais, enfin, c'était pas très malin de votre part, hein. Faudrait pas recommencer, quoi. Bon, juge, en fait, respecte ceux qui sont insatisfaits. Mais bon, ouais, vous avez raison. On va éviter de rester ici plus longtemps, on va juste se trouver d'autres emmerdes, on va retourner à notre boulot. Pendant ce temps-là, je m'auto-soigne. Ouais. Ok, fais-moi un jet de médecine. Bah oui, putain, mais oui. Bon. Petit entaille, non. Bon, en fait, j'ai pas besoin de t'afficher, ouais, vas-y. Tu soignes un dégât si t'as fait plus de 2, plus 1 par déclencheur. Bah là, il me reste encore un dé à lancer et j'ai fait déjà 2 déclencheurs. Mais attends, je vais en faire un dernier. Bah du coup, j'ai fait 5 réussites, 2 déclencheurs. Vous voyez Torik qui s'absente quelques instants et se dirige vers les toilettes du truc et qui en ressort. Avec cette étonnante impression que malgré le fer qui s'est pris dans la gueule, son visage est plus vif qu'avant le moment où il est rentré dans l'auberge. Oh. Mais comment... Heureusement pour vous, ce qui aurait pu être une blessure relativement grave ou presque même un traumatisme crânien, hein, je pense, avec un verre qui s'éclate sur un crâne, ça peut vite aller loin. Le truc n'a été que superficiel et n'a touché que la joue avant de s'éclater ailleurs. Tout va bien qui finit bien. Vous voyez quand même Lito qui... vous salue rapidement, il commence un peu à se faire tard, et puis toi, Mokol, juste avant de partir, t'adresse un hochement de tête. Si jamais vous me cherchez, vous savez me trouver. Au cloître, si c'était pas clair. Moya, juste une dernière chose avant. Il s'en va en réglant vos consommations, que vous avez éventuellement pu prendre auprès de Remco. Ouais. Tu voulais me dire ? On aurait besoin pour regarder au moins un peu ce qui se passe par rapport à la forêt et aux marais. C'est peut-être la possibilité de pouvoir s'éloigner un peu plus de la ville. Ok, je vois. Je vais essayer de vous fournir ça. Ça devrait pas poser de problème. Je connais 2-3 gars qui me doivent des services. Parfait. Merci. Il vous salue, il salue le barman, et il s'en va. Quelques temps après, vous vous dirigez, vous également, au niveau de la maison des émissaires. Enfin, votre mission commence à prendre un léger sens. Vous pouvez éventuellement essayer d'aller inspecter, en tout cas, la forêt. J'imagine que c'était plus ou moins ça le plan. Bah, disons que c'est plus ou moins la seule piste qui est grave aussi, ouais. Dans tous les cas, le lendemain matin, vous serez surpris cette fois-ci d'être réveillé par une nouvelle personne qui toque à votre porte. Et en allant lui ouvrir, vous tombez sur l'un des deux gars qui vous avez sauvé le soir d'avant. Oui, bonjour. Le chroniqueur est là ? Ouais, il doit être pas loin. Hey, Flux ! Arrête de manger les oranges ! Vous entendez Flux qui descend les escaliers et qui réplique. Excusez-nous de ne pas nous être présenté la nuit dernière, mais je suis Domingo et l'ami que vous avez sauvé, enfin, mon frère que vous avez sauvé, lui se prénommait Passé. Nous sommes tous les deux les gardes de Ennio et Benesato, au-delà d'être des membres de sa famille, et notre maître souhaiterait vous... prêter audience dans son manoir, dans sa villa, si jamais cela ne vous importune pas. Mais j'accepte avec plaisir. Vos amis peuvent venir avec vous, évidemment. Acceptez-vous ? Bah oui. Pas de problème. Évidemment. Eh bien. Regardez sur la carte. La maison Benesato est celle nommée le bâtiment A, qui se trouve juste en fait en face de la place du marché. C'est un bâtiment que vous avez aperçu à plusieurs reprises sans vraiment savoir à qui il appartenait. C'est vraiment une espèce de grande villa en plein milieu de la ville. Eh bien, merci, vous pouvez vous y rendre dès que vous le souhaitez, à moins que vous souhaitiez que vous nous escortions dès maintenant. Je me tourne vers Mokosh. Vous préférez traiter laquelle des pistes en priorité? Bah, vaut mieux s'occuper des nobles en premier. Soit, eh ben, on vous suit. Très bien, après nous. Il vous dirige ainsi jusqu'à la place du marché. Ici et là, en croisant quelques habitants de Lucatoré, vous entendez certains d'entre eux jurer vous faire quelques messes basses. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec les Bene Sato, ceux-là? Ou alors... assassin! Heureusement pour vous, c'est pas non plus ce qui va se répéter tout le long du trajet, mais... Bon. C'est loin d'être agréable. En tout cas, vous vous rendez... sans plus de problèmes que ça, au niveau de la Villa Bene Sato. Alors, non mais juste... C'est sympa le quartier par ici quand même. Bon, il y a une ambiance sympa, moi j'aime bien. Oh ouais, écoute ça. Ça sent que c'est... Du quartier des Apôtres. C'est vrai que le quartier des Apôtres n'est pas très bien. Je vous demande juste une seconde. Bah écoute, j'ai quand même le souvenir de l'épave. Bon. Ah, la maison de Benesato est quand même plus agréable. Bah, de toute façon, les clanistes, je pense, sont ceux qui sont le plus proches de la vérité parmi les bandes illuminées que vous êtes. C'est la populace. Ouais, enfin, on va dire que parmi les clanistes, ce sont eux qui sont plus proches des vérités parce que bah ils sont au bon endroit et avec les bonnes personnes. Ok. Vous voyez le portail qui menait jusqu'à la villa, un serviteur en train de le nettoyer. En effet, pendant la nuit, quelqu'un l'a recouvert de sang, sans doute du sang de porc. Bon, ah, rien n'a changé depuis l'époque. Pas plus attention que ça. Et vous rentrez à l'intérieur du grand bâtiment. Il vous conduit jusqu'à un escalier, ce qui semble être l'escalier principal, pour vous mener jusqu'à un étage. Aux alentours d'un ou deux couloirs, vous arrivez au niveau d'une grande pièce. Il ouvre ce qui semble être, enfin, ce qui sont deux grandes portes. Typique des maisons en bois, vous savez, vraiment, il y a vraiment ce côté très riche qui ressort de toute cette maison. Vous voyez des tapisseries et des tapis colorés qui sont disséminés ici et là. Et pour ajouter à tout ça, vous arrivez dans cette grande pièce avec une énorme table et au moins une dizaine de chaises. Et accompagné d'un grand buffet. Tout derrière, vous voyez la silhouette de deux personnes, un homme et une femme. L'homme, qui semble être le fameux Ennio de Bene Sato, vous accueille en vous applaudissant. Vous voyez, c'est un vieil homme qui doit avoir 60-65 ans, avec une légère barbe de quelques jours blanche. Bonjour, bonjour, allez-y, prenez place, et puis servez-vous, n'hésitez pas. Vous êtes sûr? Des oranges? J'adore les oranges. Des oranges, ce genre de produits. J'adore les oranges. Bonjour, voici, je vous présente ma femme, Gala. J'adore les oranges. C'est la mère qui s'approche de vous et qui vous fait un peu la révérence. Parfait. Dommage. Merci, merci. Écoutez, mes neveux m'ont rapporté l'incident qui s'est produit hier à la taverne et je souhaiterais vous remercier pour votre intervention. Vous voyez... Il n'y a rien. C'est juste quelques clanistes égarés qui ont rencontré les mauvaises âmes. Ces derniers temps, beaucoup d'insultes et de diffamations ont été promulguées à l'encontre de ma famille, mais j'aimerais que vous sachiez qu'il n'en est rien. et que j'apprécie la neutralité et la position que vous ayez pu prendre hier soir. Aussi, vous êtes, j'imagine, sans nul doute, sans ignorer le fait que je suis, disons, le bouc émissaire, le suspect qu'on aime, à qui on aime attribuer un crime auquel il n'est lié d'aucune manière. Et j'aimerais, si vous le souhaitez, que vous me rapportiez tout ce que vous pourriez, on va dire, trouver comme information. Je ne connais pas la réelle raison de votre présence ici. J'imagine que cela n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, mais si vous pourriez accorder un peu de temps pour aider un vieil homme, moi et ma femme apprécierions grandement. Je pense que c'est largement jouable. Bien évidemment, ma famille, avec plaisir. Les Lombardies pourraient vous. La famille, ma famille et les Lombardies pourraient vous récompenser à hauteur des informations que vous pourriez, en tout cas au moins des preuves que vous pourriez fournir à mon encontre. Enfin, on a compris. Accusez-moi. Non mais on se doute que vous êtes un peu dans une situation délicate et que en ce moment c'est difficile pour vous, donc votre nervosité est tout à fait normale. D'ailleurs, j'aimerais, si vous le souhaitez, vous faire part de certaines informations dont j'ai entendu parler. Oui, notamment, il s'approche de toi, le juge. En s'attendant sans doute à ce que tu notes quelque chose sur un calepin ou autre. Vous savez... Oui. Excusez-moi. Ils ont fait enterrer mon frère sans même me prévenir. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, ni adieu. Et donc sa différence, hein, d'habitude, c'est quoi le rituel surtout pour un abattu. Je m'attendais au moins à ce qu'il y ait une autopsie ou autre. Et là, il a été enterré la nuit même. C'est si étrange que ça. Enfin, oui, mais je en effet, ça dénote avec une cérémonie religieuse. Non, j'imagine que c'est juste une manière de m'écarter de mon du corps de mon défunt frère et un message de la part de sa femme qui m'est directement adressé. Car voyez-vous, j'aurais préféré qu'il soit enterré selon les rites clanistes plutôt qu'anabaptistes. Évidemment, elle n'était pas de cet avis. Alors, il avait fait le choix de ce qu'il voulait être. Oui. On n'a pas demandé votre avis, anabaptiste. Et donc, vous avez d'autres informations sur cette... Non, sans plus, je dois avouer que je n'ai pas vraiment pu sortir de chez moi depuis ces derniers jours. J'ai trop peur de me faire poignarder par un fou à la moindre ruelle. Maintenant, je sais que les châteaux d'eau ont été rouverts, la scène du crime est de nouveau praticable, alors ça m'étonnerait que l'assassin ait laissé une carte de visite, mais si vous pouviez venir y jeter un coup d'œil. C'est tout à fait pour nous, c'est dans nos cordes. Tout à fait. Petite question, avez-vous eu le temps de voir le corps avant qu'il soit enterré? Le corps. Non, justement. Et si je dois avouer que je culpabilise énormément de ce fait et que cette souffrance m'accompagnera sans doute jusqu'à la fin de mes jours. Bon, on va le déterrer. Il a précisé. C'est vrai que il serait tentant de faire cela, mais je pense que ça pourrait être mal vu. Je tiens à préciser au nom de ma femme que, évidemment, les Jametan n'ont plus rien à voir dans cette histoire. Certains, sa famille, aucune piste. À Bernago, mais sachez qu'il n'en est rien. Si vous souhaitez, chroniqueur, vous pouvez tenter de joindre vos collègues et ils vous confirmeront mes propos. D'ailleurs, c'est bien que vous m'en parlez de ce sujet. Je sais que dans la ville d'à côté se trouve pas mal de des biens, ouais. Mais apparemment dans cette ville se trouve quelqu'un d'un peu plus particulier, comme chroniqueur un peu plus haut rang. Vous savez où je peux le trouver ? Je vois, oui, que je suis quasiment mis au courant de tout ce qui se passe en ville. En tout cas, enfin, c'est ce que je pensais, mais désolé, je n'ai jamais entendu parler de la moindre trace d'un chroniqueur ici. On verrait ta fantôme, celui-là. Merci quand même. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je dois avouer que je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours, alors si vous n'avez pas de questions, Gala et Domingo vous raccompagneront jusqu'à la sortie. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si jamais vous aviez de nouvelles informations, à nous en faire part. Bien sûr, vous de même. J'espère pouvoir collaborer avec vous. D'ailleurs, si vous souhaitez, pour vous gager de ma gratitude, vous voyez qu'il commence à sortir quelque chose de sa poche. Voici ma chevalière. Elle devrait vous permettre d'obtenir une audience auprès du cloître, si jamais vous le désirez dans les jours à venir. Elle appartenait autrefois à mes parents, alors je vous fais confiance pour ne pas la perdre, ni l'utiliser de manière... je la prends. De toute façon, la bâtisse n'en aura pas besoin, parce qu'elle peut déjà rentrer dans le cloître. N'est-ce pas ? Mais là, ça peut mieux que ça permet de demander une audience. Oui. Après, mais bah, ouais, je pour tout le groupe ou juste une personne ? Oui. Ah, c'est... Globalement, c'est un pass qui vous donne plus ou moins les pleins pouvoirs dans la ville. Ouais. Malgré le fait que le nom des Bene Sato soit très attaché. Non, pas totalement, ne commencez pas. Nous allons créer un empire. Non, mais ça veut dire qu'on peut prendre une propre monnaie maintenant. J'aurais pensé d'aller faire un tour au... C'est les mecs qui font de leur propre religion. Excusez-moi, avez-vous une chaîne que je puisse garder cette chevalière en sécurité? Je vois que tu as ton doigt et puis c'est tout. Alors déjà, est-ce que tu as vu la taille de ce gant rempli de métal? Tu penses vraiment que c'est vraiment sécurisé de mettre une chevalière là? Ouais. Oups, pardon, un dysfonctionnement. Ça arrive. D'ailleurs, parce que du coup, en effet, son neveu, après que Ennio Benesato vous ait remercié, vous raccompagne jusqu'à la sortie. D'ailleurs, je le répète, mais sur le channel de Genesis principal, j'ai publié le portrait de certains des personnages non-joueurs. Ce n'est pas obligatoire d'aller les consulter, j'essaie de les décrire un minimum, mais ça peut vous permettre de vous donner une meilleure idée de ce qui se passe. Bah du coup, je vais demander à Benesato, enfin les neveux là, de nous emmener au père, enfin au à l'oncle, bah, ceux qui nous raccompagnent dehors là. Les neveux. De nous amener au château d'eau. Ah oui, bien sûr, il y a pas de souci. C'est par là. Je vois qu'il vous escorte jusqu'au château d'eau. Petit à petit. Au fur et à mesure que vous commencez à vous rapprocher des châteaux d'eau, vous commencez à entendre une espèce de voix portée au loin. Il semble y avoir une dispute en train de s'y promulguer. Vous entendez notamment les cris d'un anabaptiste, enfin les cris, les plaintes d'un anabaptiste à haute voix qui dit des phrases comme « J'en sais rien, je suis désolé, si je ne peux pas accéder à votre requête, il m'est impossible de faire autrement. » Vous êtes là actuellement à une quelques 20, on va dire une dizaine de mètres, un peu moins, des châteaux d'eau. Vous les voyez comme ça prôner au milieu de la ville. Vous savez d'ailleurs qu'ils sont relativement importants pour cette dernière. On se rapproche de la dispute histoire d'écouter. Enfin, je pense, non ? C'est toujours intéressant les régos. Torik et Mokosh, faites-moi un jet. Juste Rick et Mokosh. Nous deux, on compte pas. Non, les autres, je les aime pas. Ah non, je te comprends, moi non plus, hein, je m'aime pas. Un G de ne pas tabasser les gens gratuitement. en tant que réflexe à notre ancienne vie. Voilà. Un G d'instinct perception. Ah, tu vois, c'est ce que je disais. Et vous voyez, Abby. Ah mon dieu. Sauf que c'était une illusion et vous commencez à devenir fou, vous êtes mort. Perception. Ça me fait beaucoup de scores. Alors attends, je suis. Instinct, perception. Oh ça, je suis plutôt nul, je crois. Alors attends, instinct, perception. Bah. Ah bah du coup. Avec une difficulté de 2, hein, je l'ai pas précisé, mais c'est encore une fois là. Oh! Je vois tout, je sais tout. Est-ce que tu vois autant que moi? Oh! Ah non, non, je ne vois pas autant que toi, mais. Sur 4D. Tout ça étant sur 4D, bien sûr. Mais il a fait quoi, lui? Ah oui, putain! Ah non, mais vous êtes fort! Sur 4D, hein. Vous reconnaissez le Nabatiste et le Spitia qui se disputent, c'est vos proches cousins. Vous reconnaissez avec, déjà sans trop de mal, la voix de la Nabatiste en train de se défendre, c'est celle de Lucio Bastardo, celui qui était venu vous rendre visite à la maison des émissaires. Mais vous reconnaissez d'autant plus la voix du Spitalier qui s'adresse à lui. Plus vous vous rapprochez, plus vous commencez à entendre de manière distincte les propos en train de se développer. Déjà enterré ? Comment ça, pas de place au cloître? Et cette période de deuil, mais quel gâchis! Sans trace d'enquête, sans indice, pas d'enquête, vous me comprenez? Cette voix, c'est celle de Carmino Ferro, le spitalier que vous aviez croisé en Borca alors qu'il se rendait en Purgare. Visiblement, il est arrivé à destination. Puisque, moi, médecin en chef d'Altaïr, sachez que je ne laisserai pas ce crime impuni. Et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour révéler la vérité. Vous voyez, sortant en furie des châteaux d'eau, le crâne chauve rouge de du spitalier, pardon, décidément, qui se dirige en plein sur votre chemin. Carmino. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais salutations. Oh. On s'est déjà vu quelque part, vous me... Oui, je suis Toric. Oui, c'est vous qui m'aviez aidé à retrouver mon... Et vous en aviez fait de même avec moi, d'ailleurs. Oui, feu mon assistant. Et qu'est-ce que vous faites ici? L'hôpital s'est enfin décidé à envoyer une commission d'enquête? Non, en fait, c'est le pur hasard qui fait que nous soyons là à ce moment-là, mais... Nous avions une petite mission à faire pour nous et nous arrivons au même moment. Nous aussi, nous essayons de... Je t'ai entendu parler de cette enquête et nous sommes en train de mener notre petite enquête de notre côté. Donc, en effet, c'est abominable. Vous, là, le juge, dites-moi ce que vous en pensez. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai récupéré mon cheval et... J'ai chevauché jusqu'ici. L'enquête est un désastre. Altaïr a été enterré sans autopsie, sans rien. Les lieux du crime ont été dégradés au possible. On voit que le passage du au moins un troupeau d'éléphants n'aurait pas fait mieux. Impossible d'y recueillir le moindre indice. Qu'est-ce que vous voulez combler? J'ai proposé mes services d'autopsie. Le protocole, l'honneur des juges et des hospitaliers est bafoué. C'est une insulte au bon sens. J'ai proposé mes services à Célucio, c'est ça? Quand ça? Quand il est venu nous voir quand nous étions à l'auberge. Et je lui ai proposé mes services pour faire l'autopsie du corps et il a refusé. D'ailleurs, en parlant de Lucio, vous le voyez, qui lui en profite pour se tirer discrètement quelques mètres plus loin. J'entends pas en fautif, mais bon, il s'en va. Oui, oui, il m'a dit qu'ils avaient déjà des personnes sur... Mais combien de temps après le meurtre? Le lendemain. Le corps n'avait pas encore été enterré. J'ai proposé mes services en tant que... médecin. Et il les a refusés? Il m'a gentiment refoulé, me disant qu'il avait déjà des gens pour s'occuper de cela. Vous étiez sûrement le seul hospitalier en ville actuellement, il aurait jamais dû faire ça. C'est... Est-ce que c'est une question d'honneur ou est-ce qu'ils ont un truc à cacher pour... pour ainsi bafouer les règles de la science et du... Enfin... Mais disons que depuis que nous traînons un petit peu dans la cité et que nous essayons de glaner les informations à droite à gauche, il semblerait que cette histoire est fumante et qu'il se passe des choses très bizarres. Donc je pense qu'il serait plutôt pas mal de chercher chacun de son côté. Pas tous ensemble, ça pourrait éveiller trop de soupçons. En effet, d'essayer de... éviter, en tout cas, enfin, si je peux me permettre, essayer de mettre l'apocalyptique à distance au possible de tout ce qui se passe. D'ailleurs, oui. Ah, vous n'êtes pas au courant ? Elle n'est plus. Elle nous a quittés. Ah. Ah, excusez-moi. Tu le vois qui retire ses lunettes. Qui les essuie rapidement dans son... dans c'est son pas grave. Pour moi. Et qui sont vos amis ici présents? Ils ne semblent pas nous connaître, sauf si je vous ai oublié, auquel cas je m'en excuse. Évidemment, ils pointeraient peut-être le juge et... Flux, le chroniqueur. Très bien. Et vous? Et nous avons le juge. The Judge. Jacquard. Je suis Jacquard. Juge des villes. Très bien. Votre présence ici fera un grand bien, je pense, pour réussir à tourner tout ceci à nouveau du bon sens. D'ailleurs, dites-moi votre avis. Malgré toutes ces erreurs judiciaires plus honteuses les unes que les autres, par où pourrions-nous commencer si nous souhaiterions y déceler quelque chose? Le cimetière, pour vous, pourrait-il être... Personnellement, comme le codex ne s'applique pas vraiment en tant que tel ici, je dois être un peu perdu, mais je pense que je n'ai aucune connaissance des traditions anabaptiste, enfin, si on peut appeler ça des traditions clanistes, ni celles des anabaptistes, mais je pense que c'est vraiment trop précipité. Trop de choses coïncident des deux côtés. Je ne pense pas que nous sommes... Dans ce cas-là, je pourrais vous proposer la chose suivante, mais vous n'êtes absolument pas obligé de m'aider malgré, on va dire, les souvenirs du bon vieux temps. On va se trouve, comme vous l'ayez sans doute entendu, que j'étais le médecin personnel d'Altaïr, et je pourrais vous proposer, alors que moi, je me mettrais enquêté dans la zone... où nous nous trouvons actuellement, autour des châteaux d'eau. On sait jamais, hein. Ces sauvages auraient pu bien laisser le moindre indice intact au lieu de marcher dessus comme des... Enfin bon, vous m'avez compris. Si cela ne vous dérangeait pas, de moins faire un tour au niveau du cimetière, et... mais je ne vous force à rien, pourquoi pas jeter un coup d'œil au nom de la science et de... Enfin, vous m'avez compris. Il n'y a pas de souci, il devient tout fou. Il n'y a pas de souci, je peux m'en occuper. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Si jamais vous souhaitez faire ce que je plus ou moins insinué que vous pourriez faire, sachant que les pelles se trouvent au niveau du cimetière derrière le grand arbre, c'est celle qu'ils utilisent pour creuser les trous, évitez de faire ça de jour. Vous n'aurez aucun problème la nuit, mais d'autant plus que la période de deuil commence à s'améliorer, mais... Essayez d'y aller vers 3-4 heures du matin. Ouais, d'accord. Bon, sur ce... je vais reprendre là où je m'étais arrêté avant que... Si vous pouviez essayer un peu d'accaparer leur... leur temps, comme ça, ça les détournera de nous pendant que nous pourrons un peu plus s'affairer sur... Je pense essayer de me rendre au cloître et de déclencher un petit scandale. Ils vont voir... à quel bois je me chauffe. Bon allez, bien à vous. Et si jamais vous souhaitez me rendre visite, je logerai sans doute à l'hospice. Même si je dois avouer que... Bon. Je vais essayer d'y passer le moins de temps possible. Je vous rendrai des comptes une fois qu'on aura fait ce qu'on veut faire. Très bien, parfait. Bien mes amis, bien à vous. Vous le voyez qui vous salue. Et qui se redirige au niveau des châteaux d'eau. Vous vous préparez, vous prévenez Dana. En effet, étant donné que la période de deuil commence à s'écouler, on est quasiment du coup au sixième jour. Ça va faire quasiment même une semaine que vous êtes arrivé. Bon, les lois sont un peu plus laxistes. Vous pouvez désormais vadrouiller en plein milieu de la nuit sans aucun problème. Les portes ne sont plus fermées. D'autant plus avec le monde qu'il y a, les gardes n'ont plus trop le choix. Vous vous dirigez ainsi, éclairé par de faibles torches, vers 2h du matin, en direction du cimetière. Vous arrivez au niveau de l'entrée. En effet, derrière le dernier arbre, enfin le grand arbre, vous trouvez sans mal quelques pelles. Mokosh, tu leur indiques la direction de la tombe. Elle n'est pas trop difficile à trouver. Celle où il y a le plus de fleurs et plus de bougies. Ces dernières sont désormais éteintes. Vous voyez la cire qui est un petit peu coulée le long de la pierre. Vous voyez cette tombe complètement précaire. Vraiment, il y a une espèce de grosse stèle qui a été posée là. Et vous commencez petit à petit à creuser. Malheureusement, vos efforts sont vite bloqués parce qu'il semble être un énorme rocher placé 50 cm en dessous de la terre. Chose, mais... Chacun a un jet d'intelligence plus légende avec une difficulté de 4. Bien sûr. Une difficulté seulement de 3 pour Mokosh. Intelligence. Intelligence plus. Avec une difficulté de 4. Non putain, mais tu peux répéter. Intelligence légende. Avec une difficulté. Je suis presque sûr que ça cache des trucs, hein. Oh. 4 en réussite, donc 4 déclencheurs. C'est vrai? Oui. Cet homme est trop fort. Alors attends, intelligence légende, c'est ça? Dans tous les cas, attendez que Mokosh a réussi avec ton brio. On peut s'arrêter là. Ah bah d'accord, okay. Et si j'ai pas envie de Mokosh, jeter pour le plaisir. Mokosh, tu vois que ce truc très interpellant. Oui, tu peux le jeter quand même. N'hésitez pas à les écrire dans ce cas-là, au moins je les lirai. Avec quelle idée de quoi? Parce que c'est sympa de jeter des dés. Ouais. Toi, ça t'interpelle tout de suite. C'est absolument pas dans les rituels anabaptistes d'aller planquer une grosse pierre au-dessus d'un cercueil. Et d'ailleurs, si l'un d'entre vous veut bien faire un jet d'intelligence technologie, donc engineering, avec une difficulté de 2... Eh, je suis fort à ça. ça, je suis fort. Ça, je m'y connais. Oh. 1, 4... J'ai 5 réussites, dont un déclencheur. Ok. En discutant notamment avec Flux. 10 minutes, 15 minutes à passer autour de la tombe, vous vous éclairez en posant vos torches un peu autour. C'est vraiment bizarre. Déjà, ça fait aucunement partie des coutumes anabaptistes, justement, d'aller planquer une pierre par-dessus un cercueil. Et même si ça aurait pu éventuellement être une manière d'éviter des pierres de tombe, comme vous, au final, ils auraient simplement pu poster un garde de nuit, hein. C'est pas comme si on n'avait pas des dizaines au niveau du cloître. De plus, Flux, en examinant le tour de la roche, finalement vous dégagez tout ce qui se trouve au-dessus, tu te rends compte que c'est vraiment une grosse dalle qui a été posée là. Il aurait fallu au moins une dizaine de bœufs pour pouvoir l'amener jusqu'ici. Genre vraiment, quelqu'un s'est donné un mal fou pour que personne puisse accéder à la tombe. Au point où tu pourrais même en déduire, en essayant de creuser un petit peu autour, que le cercueil en dessous doit être complètement écrasé. C'est une pierre qui doit faire un poids absolument monumental. Il y a Tori qui va tomber en dépression. Et malheureusement, ce sera très compliqué, voire impossible pour vous d'aller la déterrer. Ça me dit rien qui vaille, cette histoire. Il a fallu sans doute une dizaine de bœufs pour au moins la placer là. Et je vais vous demander de me faire un jet de psyché-réactivité ou d'instinct-perception. Tous les deux avec une difficulté de 2. Tous les deux, qui, pardon? Moi et... Tout le monde. Ah, oui, donc tous les deux, d'accord. Fichier, réaction. Ou instinct, perception. Mais on mettra plutôt l'accent sur Tori, qui en effet est le juge, étant donné qu'il s'est marié. Donc, fichier. Réactivité ou intelligence, perception. Je suis presque sûr que la perception est pas dans la... Ah oui, attends. C'est instinct, perception. Mais tu as dit intelligence, perception, c'est pas la même chose. Ah oui, instinct, excuse-moi, c'est ma faute. Donc c'est instinct, perception ou quoi, pardon, du coup j'étais troublé. Ou psyché, réactivité. Bah clairement j'ai utilisé celui où j'ai plus de dés, j'ai utilisé 5 dés. Allez. Oh. Voilà, 3 réussites, un déclencheur. Allez putain, c'est chiant d'être sur téléphone. Putain, je suis copain de dé avec Mokosh. Ok, vous avez tous réussi. Du coup, comme je dis, je vais plutôt mettre l'accent sur le juge et l'hospitalier, étant donné qu'ils se retrouvent en retrait pendant que vous parliez. Mais c'est vraiment un élément que vous remarquez tous. C'est dans le silence transcendant de la nuit, cette espèce de bruit, de vibration, qui passe juste au-dessus de vos têtes. Alors, l'un d'entre vous s'empare d'une des torches que vous aviez plantées dans la terre pour éclairer, et par-dessus l'éclat de la lune, vous voyez passer la silhouette d'un objet métallique à 2-3 mètres au-dessus de vos têtes. Non, on va dire 4-5 plutôt. Vous avez aucun mal à le reconnaître. C'est une espèce de drone qui fait la taille d'une paume à peu près et qui clairement ne passe pas de manière inopportune juste au-dessus de vos crânes. Vous voyez qu'il est là en train de lutter contre une rafale de vent qui l'envoie petit à petit en direction de l'arbre jusqu'à ce qu'il se dirige et tape contre le mur du cimetière un peu plus loin. Il faut le récupérer. Et c'est en vous approchant que vous remarquez la silhouette qui était postée là, juste derrière le mur, encapuchonnée. L'un d'entre vous a-t-il fait des déclencheurs? Oui, un déclencheur. Et en fait, c'est votre cousin. Cette silhouette, comme je dis, encapuchonnée, ramasse l'objet et en vous apercevant, commence à prendre la fuite. Avant que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous lancer également à sa poursuite. Un simple détail vous frappe. Ce sont ses yeux ambrés qui illuminent légèrement la nuit. C'est un chroniqueur. En effet, pourrait être typique d'un chroniqueur, même si semble-t-il il ne devait pas y en avoir en ville. Dans tous les cas, vous voyez cette silhouette qui est là. Elle ramasse l'objet, vous voit approcher et commence à partir en courant. J'utilise j'active mon modulateur de voix qui me permet de parler super loin et d'essayer d'infliger des dégâts. Des dégâts mentaux. Tu vas me faire une attaque avec ton vocodeur, donc pour te souvenir. Pardon, de souvenir, c'est une combinaison entre. Alors je sais pas si tu te rappelles ou si tu le rappelles. Je me souviens pas. J'ai pas pu le noter. On va pas mourir nous aussi. Vu que vous courez, vous risquez de prendre cher, mais moi. Donc, courez si vous avez envie. Considère que tu vas déclencher ton attaque juste avant et qu'ils vont se lancer à la poursuite. Ça va les ralentir un petit peu, mais ça permettra de combiner les deux. Cool. Je mets juste l'attaque exacte. On voit un jet de quoi ? Bah attends, d'abord il faut que Attends, pour l'instant il y a que Flux qui va faire Ou sinon vous faites votre jet maintenant et après vous verrez. Faut que tu combines intelligence, technologie et psyché domination. Ça passe, j'avais mis des points dedans. Ok. Tu déclenches ton attaque, tu vois cette espèce presque. Donc tu montes le son de ton vocodeur au maximum et ce qu'on appelle en fait les chroniqueurs, d'ailleurs vous en rendez compte quasiment peut-être pour la première fois, même si vous les connaissiez peut-être plus ou moins, les chroniqueurs ne combattent pas de manière physique et font ce qu'on appelle les attaques mentales. Qui donc plutôt de blesser les ennemis, inflige des dégâts d'ego. En tous les cas, c'est retranscrit par le fait qu'il monte le son de son vocodeur au maximum, quasiment, et déclenche ce qui s'apparente presque à une simili onde de choc qui va balayer le chemin juste devant et déstabiliser son adversaire qui manque de trébucher, et quasiment de tomber au sol. Dans tous les cas, vous voyez que ce dernier est plutôt rapide et je vais chacun vous demander de me faire un jet de vigueur. D'athlétisme vigueur qui est En tout cas c'est super malin de se faire un énorme cri comme ça en plein milieu de la nuit alors qu'on était en train d'éterrer un cadavre. Tu sais mon premier personnage est mort. En vrai ça a pas de sens, mon premier personnage est mort au milieu d'une des gens qui l'ont tabassé pendant genre 10 minutes. Genre, on n'est pas dans un univers où ça réagit comme ça, je crois. Ou alors... C'est body stamina. C'est ça. Et contre moi, psyché, athlétisme, et j'ai... 8 dés. En vrai, la seule personne qui a réagi au coup de feu, c'est moi, quoi. Alors, à combien j'ai de dés? T'es fait dans un quartier pour les fous, aussi. Par contre, faudrait peut-être pas que je... Bien. Body stamina, oui. C'est ça, hein. Il y avait rien de sensible, mais bon, ouais. Okay. Alors, j'ai fait 4 réussites, donc 100 points, hein. 4 réussites, donc 3 dégâts. J'ai relancé 2D parce que j'ai 8D au lieu de 6. Eh, mais voilà, il a quand même un malus, réussi. Là, je l'ai fait trébucher, monsieur. Oui, j'ai ça eu un malus. Ah oui, non, j'ai eu un malus. Ah, j'ai un malus, je lance 8D au lieu de 6. Non, ça, c'est un bonus, monsieur. T'essayes de m'avoir. Non, c'est parce que j'ai que 6D et il devait en jeter. C'est quoi qu'il faut lancer pour les combats après? Vous, psyché, non, vous, Body stamina. Exactement. Attends, okay. c'est-à-dire avec le malus, il a lancé 8D. Genre, oui. Là, c'est pas moi qui négocie, c'est juste pour... Ah ouais. Oui, non, mais sûr. C'est-à-dire que quand tu disais que c'est un mec, c'est vraiment un mec qui... Ah, clairement, ça s'appelle à d'être un chroniqueur de merde. Mais c'est lui que je cherche. Mais arrête-toi, bouffon. Je suis ton copain. Ouais, bah, il se barre. Malheureusement. En même temps, il connaît pas nos intentions. C'est parce que c'est le tueur. Et en fait... C'est pas lui, le tueur. Ben, il vient de battre, qu'est-ce que t'as dit, là? Pour la petite histoire, du coup, Maxime, en effet, vous deviez avoir un malus... Enfin, il devait avoir un bonus contre le fait que vous étiez allé au cimetière de nuit. Qui a été du coup en fait annulé par toi, le malus que tu lui as fait. Malgré cela, vos jets sont trop faibles et vous le voyez s'éloigner et s'estomper petit à petit dans la pénombre grandissante. C'est pas grave, au moins grâce à mon onde de choc, il sait que je suis un chroniqueur, donc ouais. Il y a peut-être moyen qu'il reprenne contact un jour. Son drone sous l'épaule.